écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Et toi, à moi, il y a un problème. Si je te pose seulement une seule question, par exemple, par rapport aux catholiques, on dit par exemple que ça. Marie est ressuscitée de mort, elle est au ciel, non? Oui. Ouais. Oui. Peux-tu me montrer un verset biblique qui montre que Marie est ressuscitée de mort? Un seul. Il y a un problème d'abord. Je ne sais pas si on peut dire problème, non. Ne Non, oui. Je ne sais pas si c'est pas. Quand on parle de la parole de Dieu, d'après ce que moi je connais, la Bible n'est pas tout ce qu'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Le Verbe fait chair. C'est-à-dire que si je ne sais pas si on peut trouver une variante ou un synonyme, c'est-à-dire quand on parle de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ homme. Ce n'est pas la Bible. C'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est lui le socle, la base. La Bible n'est qu'une infime partie de ce qu'est Dieu. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir... je ne sais pas comment je peux... Bon, moi, je sais pas. Attends. Oui. Tu peux répéter ce que tu dis en me montrant un verset biblique par rapport à ce que tu viens de dire. Par rapport à ce que tu viens de dire. Répète encore ce que tu as dit et tu me montres le verset biblique. Je suis en train de dire que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et cette parole de Dieu, c'est qui? C'est le Verbe fait. Le Verbe fait chair, c'est qui? C'est le Christ, non? Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que la Bible, c'est une infime partie de la parole de Dieu. S'il faut parler la parole de Dieu, c'est Jésus qui c'est lui-même. C'est une infinité. On ne peut pas épuiser. Parce que même Saint Jean le dit, non. Saint Jean, comme nous on dit chez les catholiques, il dit ce que le Seigneur a fait, même les livres sur le monde ne peuvent pas contenir cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la Bible, si ce n'est que ce qui nous sert à ancrer dans le salut éternel, mais en ce qui concerne la parole de Dieu lui-même, de Dieu, c'est Jésus-Christ homme qui représente la parole de Dieu. Ça, c'est clair. Tu as raison, ma chère. Rebonsoir encore. Oui, j'ai pris un peu de carburant. C'est normal. Toi même mange aussi. Comment moi, tu t'appelles? Moi je mange depuis que je suis assise. C'est lui qui ne mange pas. C'est lui qui ne mange pas. Tu vois, je l'ai calmé comme ça, il ne te bombarde plus, n'est-ce pas? Maintenant, je te pose quelques questions, d'accord? Oui. J'entre dans votre conversation. Tu as raison, Jésus-Christ est Dieu fait chair. La parole, le Verbe exprimé. Maintenant, d'après ce que j'ai entendu quand je mangeais, je t'attendais, c'était pour dire qu'en réalité, même si le fait que Marie ait été au ciel, ce n'est pas écrit là-bas, c'est parce que ce n'est pas complet. On n'a pas tout mis dedans. On ne peut pas tout mettre. Voilà. On peut même pas ça, c'est tout bon, mettre. Ça c'est un. Je pense là. Deux, tu viens de citer le livre de Saint Jean, chapitre 21, verset 31 ou 30-31, qui dit que Jésus a fait d'autres miracles qu'on n'a pas écrit ici. Mais on n'a pas dit les choses qui étaient nécessaires ne sont pas écrites. On a dit les miracles. On a parlé d'autres miracles. On a dit qu'il y a d'autres miracles que Jésus qui a encore fait. Qu'on fait que si on veut écrire ici. Non, ne prendrons, homme de Dieu, ne prendrons pas la Bible au mot, par exemple. Non, je vais te montrer quelque chose. Oui. Yes, sir. Je vais prendre ces deux poids, deux mesures. Tu dis, en fait, tu veux justifier le fait que les catholiques enseignent que Marie est montée au ciel, en disant que comme ça ne se trouve pas dans la Bible, c'est parce qu'en réalité, on n'a pas tout mis. Je vais revenir là-dessus, on va voir que l'argumentation a des problèmes. De l'autre côté, donc, tu as justifié avec le verset biblique en disant que Jean a dit qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas mis. J'ai dit que dans ce verset, il est question des miracles. Maintenant, comme tu as ta Bible, ouvre Actes des Apôtres. D'accord. Actes des Apôtres, chapitre 20. Lis les versets 22 à 28. Toi-même, lis à haute voix. 22 à 28. Et maintenant, voici. Lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, oui, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, mmh, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mmh. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai, mmh, passé en prêchant le royaume de Dieu. Mmh. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de sang et de vous tous. Oui, de, mmh, vous tous. Mmh. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien tâcher. Stoppons là-bas. C'est intéressant maintenant. Mmh. Qui parle? Saint Paul. Voilà. Il dit qu'il a annoncé quoi, hein? Le dernier volet que tu as lu, car je vous ai annoncé, il dit maintenant je suis pur du sang de vous tous. Mm-hmm. Comme pour dire que c'est votre responsabilité. Oui. Maintenant, il dit je vous ai annoncé quoi? Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Sans en rien cacher. Bon. C'est vrai que les gens à qui il a envie de s'adresser, mm-hmm, savent que quoi? À partir de maintenant, que tout ce que Paul lui a dit, Dieu a ordonné qu'on dise cela et c'était le parfait, ce qui était total. Pas vrai? Pour eux, dans leur cas précis. Dans quel cas? Dans quel cas? Hein? Il s'adresse à qui déjà? À l'église, Acte des Apôtres. Lis le verset 17. Verset 17. Mm-hmm. Cependant, de Milet, mm-hmm, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Voilà, il s'adresse aux anciens. Donc, c'est pour ça qu'il faut combien qu'on croit ça, à qui il s'adresse. Mm-hmm. Les anciens, quelle est leur responsabilité? À l'église. Oui. Chez les catholiques, il y en a. Non, laisse les catholiques tranquillement, il parle de la Bible, d'accord. Par contre, on va toucher le cas tout à l'heure. Oui. Les anciens de l'église ont quel rôle? Si tu ne connais pas, il te dit le rôle des anciens. Je ne connais pas demain. Voilà, les anciens de l'église, ce sont ceux qui coiffent l'église. En dehors d'eux, il n'y a personne au-dessus d'eux. Mm-hmm. D'accord. Les plus âgés. C'est non, ce n'est pas les plus âgés. Il y a deux six groupes d'anciens. Il y a les anciens en tant qu'âge, en tant que maturité. D'accord. Parce que le mot qui est traduit, c'est il y a presbyteros et il y a épiscopos, les épiscopes. D'où seront sortis les surveillants, d'accord? Mmh. Alors, ceux-ci, ce sont ceux, parce que tu continues, il va dire effectivement qu'il dit percer le troupeau de Dieu. Parce que c'est aux anciens de perdre le troupeau de Dieu, mmh, qui est sur votre garde. Alors, ils appellent les anciens, qui sont les dirigeants, ceux qui vont diriger les brebis du Seigneur. Mmh. Il a dit que je vous ai annoncé le conseil de Dieu sans rien cacher. Si Dieu a donné tout le conseil à l'apôtre Paul, et s'en charge et demande à Paul l'apôtre de dire aux anciens, c'est pour que les anciens allaient tout dire, disent quoi? Qu'ils enseignent ce que... Quoi? Qu'ils enseignent la parole de Dieu. Non, pas seulement la parole, parce que l'Ancien Testament enseigne la parole de Dieu. Le conseil. Il faut bien qu'on comprenne le mot. Oui. Donc, Dieu, il n'y a qu'une seule personne à qui Dieu a donné le conseil. C'est Paul l'apôtre. En lisant le livre d'Éphésiens, justement, il dit, ouvre Éphésiens. Donc tu vois, je suis en train d'aller quelque part pour dire effectivement qu'il y a des choses que tu as dit, il y a des choses que la suffisance, que Dieu voudrait que l'église sache, est déjà contenue, ça a été révélé. En fait, c'est là que je vais t'amener, tu comprends un peu, n'est-ce pas? Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est que Dieu voudrait que l'humanité connaisse. C'est contenu dans les Saintes Écritures déjà. De tel enseigne que quand il finit les Saintes Écritures, il dit que rien ne doit y être ajouté. Tu comprends un peu, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et rien, que personne n'y ajoute quoi que ce soit dans ce livre de prophétie. Et que quelqu'un n'y retranche rien. Parce que 2 Timothée dit que toute écriture, Éphésiens chapitre 1, il dit que toute écriture, avance. Éphésiens. Peut-être qu'il faut que je te donne ma Bible. Hein. La Bible, elle est petite. Je suis déjà arrivé à Éphésiens. Oui, chapitre 1, lis-nous à partir du verset 3. Verset 3. Jusqu'à ce qu'elle te dise stop, allons-y. Béni soit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ. Oui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Oui. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Tu vois, c'est l'apôtre pour qu'il commence à expliquer ces choses-là que Dieu nous a élus. C'est lui qui commence ces genres de mystères. Continuons. Mm-hmm. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Oui. À la louange et de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Oui. En lui, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés, oui, selon la richesse de sa grâce. Oui. que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Oui. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, oui. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Oui. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Oui, quand tu n'es pas fini. C'est pas fini. Hein. Mm-hmm. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, oui. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, oui. L'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, par lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Mmh. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Oui. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Oui. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Voilà. Et en le faisant asseoir à la droite de De la majesté divine dans les lieux célestes. Voilà. Maintenant, de façon résumée, l'apôtre Paul est en train d'expliquer des mystères ici. Il dit que ce sont des choses que Dieu avait lui-même formées en lui-même. Il vient de nous informer que quand Dieu crée la terre, il avait un but, un truc dans son cœur. Et au chapitre 3, il va expliquer que ces mystères-là, les gens ne connaissaient pas avant. Ça a été révélé maintenant à ces saints apôtres. Tu vois cela? Et il dit que ces mystères, c'est que les païens sont co-héritiers avec Christ. Ça, les gens ne savaient pas ça avant. Si je prends toutes ces choses pour dire effectivement, pour te montrer effectivement qu'il y a des choses, le conseil de Dieu, c'est-à-dire que la volonté parfaite de Dieu explicite que l'homme doit savoir le plan parfait de Dieu depuis la création jusqu'à la rédemption et la fin a été révélée. Maintenant, je reviens donc sur ton argumentation. Il y a des choses qu'on n'a pas écrites dans les Saintes Écritures. Maintenant, il te donne une assertion. Tu me dis si oui ou non tu acceptes ça. Il y a quelqu'un qui prêche en disant que Christ est né à Yaoundé, au Cameroun. Il y a quelqu'un qui prêche, oui, et qui dit que pas, Christ. Je n'ai pas encore suivi ça. C'est pas encore suivi, mais je t'informe qu'il y a le Christ qui est né à Yaoundé. Je n'ai pas suivi. Il y a d'autres groupes qui enseignent que Christ n'est pas effectivement mort et ressuscité, qu'il a vécu à l'âge jusqu'à l'âge de 120 ans. Il est mort avec des femmes et des enfants au Cachemire indien. Tu as entendu parler de cela? Non. Bon, le Christ que tu sais, lui, il est mort comment? Il est mort comment? Comment et où? Christ est mort à Jérusalem. Hein? Oui, comment? On l'a crucifié. Comment tu sais? Par les Saintes Écritures. Par les Saintes Écritures. Bon, maintenant, comment donc tu vas faire avec celui-là qui dit qu'il est mort au Cachemire indien? Puisque ce n'est pas écrit. Puisque ce n'est pas écrit? Oui. Bah, comment tu, Christ est né où? Le Christ dont tu sais, lui, il est né où? Il est né à Bethléem. Mais quelqu'un vient de nous informer qu'il est né à Yaoundé, à Angola. Comment tu vas faire? Tu crois à ça? Non. Pourquoi? Je ne crois pas à ça parce que ici, c'est les Saintes Écritures. C'est les Saintes Écritures. Et ça dit exactement où Christ est né. Donc tu vois que malgré que les Saintes Écritures disent que Christ est né à Bethléem, à l'époque du roi Hérode, quelqu'un sort des assertions que Christ est né à Yaoundé, il peut prouver. Et les gens écoutent et le suivent. Maintenant, prenons ce syllogisme, utilisons ce syllogisme sur Marie. Sur quelle base tu crois que Marie est montée au ciel? Sur quelle base je crois que la Vierge est montée au ciel? Oui. Puisque 1 d'abord. Oui. Dieu, fait homme, ne pouvait pas. C'est vrai, Dieu peut tout, Dieu est capable de tout. Mm-hmm. Mais je ne pense pas que Jésus-Christ, étant Dieu, pouvait naître dans un corps impur. Qu'est-ce qui l'empêche, puisqu'il peut tout? Juste. Puisque la prochaine fois, il va venir même dans les airs, sur le cheval, sans passer par le corps. Mais là, c'est pas parce que ça ne s'est pas passé comme ça, les Saintes Écritures. C'est pour ça que je n'ai dit que, n'est-ce pas? Regarde, une fois, comment il pose la question. J'ai dit, sur quelle base tu crois que Marie est montée au ciel? Tu vois que les deux choses que j'étais posées, tu allais directement dans les Saintes Écritures pour contredire, pas vrai? C'est ça, non? C'est-à-dire que le cas de la mort de Christ, tu m'as dit non, tu ne crois pas à ce que celui qui a dit qu'il est allé à, il est mort au cachemire indien avec les enfants. Je dis pourquoi? Tu dis parce que les Écritures montrent clairement où il est mort à Golgotha, à Jérusalem. Mm-hmm. Comment il est né? D'autres disent qu'il est né à Angola. Tu as vu, c'est une supposition. Ils partent d'une idée pour développer. Mm-hmm. Et effectivement, si les gens le suivent, parce que c'est les amis, les gens sont convaincus de son argumentation. Tu comprends? Des gens, ce sont des millions de personnes qui suivent ceux qui disent, par exemple, qu'il est né, qu'il est mort au cachemire indien. Maintenant, toi, maintenant, je te pose la question, sur quelle base, c'est-à-dire que ce qui sous-tend ta croyance. Allons-y. Ce qui sous-tend ma croyance, c'est que un corps qui a porté Dieu, oui, c'est d'abord un corps exceptionnel. Pourquoi? Hein? Pourquoi? C'est un corps exceptionnel parce qu'il a porté Dieu, ce n'est pas donné c'est à tout le monde. C'est toi qui suppose ou bien c'est lui qui a dit ça? C'est lui qui a dit comment? Il dit, n'est-ce pas? Oui. C'est toi qui dis que le corps là est exceptionnel ou bien c'est Dieu qui a dit? Pour moi, c'est un corps exceptionnel. Une fois de plus, je commence encore. C'est, oui. Donc, c'est toi qui décrètes ceux qui doivent mourir. Ou ceux qui doivent, sur la base de ta pensée et de tes suppositions, ça peut dire, ta pensée peut induire à dire que telle personne ne mérite pas donc la mort. Non, ce n'est pas tellement ça. Mm-hmm. Je ne sais pas qui est-ce que j'écoutais, oui, par rapport aux Saintes Écritures. On te dit que les Saintes Écritures, il ne faut pas toujours les prendre. Je ne vous apprends rien, je pense. Mm-hmm. Je pense que vous-même, mm-hmm, vous... qu'il faut parfois savoir lire entre les lignes. Oui. Non, d'abord, la plupart même, c'est des paraboles. C'est. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas toujours comme, un peu comme quand on dit que si ton œil gauche te dérange, perce-le, tu n'iras pas, oui, percer. Mais au moins, c'est écrit au moins que l'œil gauche, avant qu'on essaie de donner l'interprétation. On se comprend, n'est-ce pas? Mm-hmm. On est sur une base et on ne bougera pas ici jusqu'à ce qu'on en finisse. Oui. Il est question de Marie qui est montée au ciel, n'est-ce pas? Mm-hmm. Où on célèbre le 15 août, l'Assomption. Mm-hmm. Quelle est la base scripturale céleste qui sous-tend cela? Si, même si on lit donc entre les lignes, qu'est-ce qui dans les Écritures peut vouloir dire ça? Je ne suis pas très calée, mm-hmm, en Saintes Écritures. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Mais moi, pour moi, mm-hmm, et d'après les enseignements de l'Église catholique, donne-nous ces enseignements. Moi, je crois. Oui, voilà. Qu'est-ce que l'enseignement là dit? Mais que Marie est montée au ciel, parce non, ça, qu'elle c'est est mère de Dieu. Ça, ce n'est pas une affirmation. Ce n'est pas un enseignement, c'est une affirmation. Tout comme celui-ci dit, Christ est né à Yaoundé. Voilà une affirmation. Maintenant, la preuve, c'est la preuve qui va amener la chose le à l'existence. Le problème est qu'un, mm-hmm, vous ne pouvez pas aller avec moi dans cette base-là. Pourquoi? Parce que, je ne suis pas l'Église catholique. Mm-hmm. J'ai envie de dire que je ne connais pas tout. Je, oui, ne suis peut-être un prêtre, si peut-être vous... Il a fait des recherches, des études dessus. Il est, mm-hmm, mieux calé que moi. Mm-hmm. Mais bon, moi, d'après... Moi, je comprends ça comme ça. Donc, d'après l'enseignement, ce qu'on a expliqué, c'était logique. Oui. Une fois de plus, je pose la, oui, question. Il est question de l'affaire de Dieu. Oui. L'apôtre Paul nous explique ici qu'il nous a annoncé tout le conseil pour ce qui concerne le salut et les croyances que nous devons croire. C'est contenu dans les Saintes Écritures. Ça montre donc que pour que toi et moi, on parle maintenant de Dieu. Je ne peux pas prendre une supposition parce que c'est dit que l'herbe là, si tu prends ça, tu fais comme ça, tu vas avoir les visions. Tu vas me croire? Non, enfin, pour moi, je ne suis pas toujours d'accord avec vous. Je vais prendre un autre cas, que... par exemple. Uh-huh. Quand bien même, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ne prenons pas les Saintes Écritures au mot. Uh-huh. C'est-à-dire tel que c'est écrit. Quand Paul dit que je vous ai annoncé tout le conseil. Oui. Est-ce que vous pensez vraiment... Moi, je pense que Saint Paul voulait tout simplement leur dire que ce qui... Je vous ai enseigné ce qui va vous amener au salut, point barre. Oui, ok, maintenant. Oui. Restons sur cette base-là. Oui, je vais prendre un autre exemple, si vous me permettez. Oui. Quand, par exemple, après la chute de l'homme... Oui. Quand Dieu dit, je pense qu'on parle même toujours là de conseil, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Il dit que maintenant que l'homme a péché, je sais paraphraser, oui. Oui, maintenant que l'homme a péché, mm-hmm, il nous a désobéi et tout et tout. chassons-le du paradis de peur qu'il ne prenne l'arbre de la vie et qu'il vive éternellement. Mais Dieu est en train de, quand il dit que empêchons-le de prendre à nouveau l'arbre de vie pour qu'il vive éternellement. Est-ce que tu nous disais tout à l'heure que tu n'es pas calé dans les Saintes Écritures, alors que quand tu pousses dans les Saintes Écritures, tu es calé. Je ne suis pas calé. Je continue à le dire, je reste vraiment homme, je ne suis pas calé. Je ne cite pas avec des attitudes, non. Ça va, je connais très peu. Mais je ne. Je vais d'abord. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire avec l'affaire des arbres qu'on empêche Qu'est-ce que tu voulais dire Je voulais tout simplement dire que quand le Seigneur Dieu le dit, est-ce que vraiment si l'homme mangeait, prenait à nouveau le fruit, est-ce qu'il devait avoir la vie éternelle? Est-ce que vraiment ça allait empêcher Dieu à chercher à contourner, à contrecarrer cela? Bon, c'est-à-dire à l'empêcher. Pour moi, il voulait tout simplement dire que. Empêchons l'homme de tendre la main, prendre l'arbre de vie, parce que ça va encore nous casser la tête, ça va nous donner les maux de tête. Donc Dieu avait peur de mal de tête. Hein? Donc oui, justement, on parle terre à terre. Oui, oui. Non, il a dit qu'empêchons de prendre afin qu'ils mangent et vivent éternellement. Il voulait les empêcher de vivre éternellement dans cet état-là. Est-ce que vraiment le Seigneur ne pouvait, même si il prenait le fruit. Le fruit, est-ce que ça l'a empêché, ça pouvait empêcher au Seigneur de. Non, Dieu est en train de dire clairement qu'on l'empêche d'avoir la vie éternelle là-bas. Parce que le but de l'empêcher, ce n'est pas d'avoir la vie éternelle. Parce qu'en réalité, s'il mangeait, il devait avoir la vie éternelle. C'est ce qu'il a dit. Et on s'en tient là. Tu vois, comme si on lit entre la ligne, ce n'est que ce que ça nous dit. Revenons sur notre cas, d'accord, notre cas. Quand l'apôtre Paul dit, par exemple, qu'il a annoncé tout le conseil de Dieu, je te pose une question. Il est question de croyance. Et le Seigneur Jésus a dit à plusieurs reprises, ses apôtres en ont parlé, que prenez garde de peur que vous ne vous tourniez avec d'autres divinités, que vous venez à déchoir de votre grâce. C'est-à-dire que de façon grosso modo, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on croit. Si tu ne peux pas vouloir croire quelque chose de Dieu sans que Dieu ne l'ait ordonné, ça ne marche pas. Parce que le Seigneur dit par exemple dans Luc 6, il dit que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous entendez par révélation? La révélation, c'est quoi? Il arrive maintenant, merci bien pour la révélation. Oui. Il arrive par rapport à cela. Oui. La deuxième chose, c'est que quand Jésus quittait la scène, après la résurrection, justement, il a dit à ses disciples, allez faire des nations de disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que j'ai vous ai prescrit. Donc, il n'a pas laissé libre cours à quelqu'un d'enseigner ses propres pensées. Tu comprends pas ce n'est pas? Maintenant, dans Actes chapitre 10, quand Pierre sera devant Corneille, il va dire clairement que Jésus nous a ordonné d'annoncer et de témoigner que c'est lui qui a été établi juge des vivants et des morts. Nous en sommes témoins. À nous, après sa résurrection, Dieu n'a pas permis qu'il apparaisse à tout le monde, mais à nous qui avons mangé et bu avec lui, aux témoins choisis d'avance par Dieu. Donc il dit que Jésus leur a ordonné d'annoncer. Donc il n'annonçait pas quoi que ce soit. C'est pour ça que l'apôtre Paul ne dit pas dans son enseignement, il ne dit pas que je vous ai annoncé tout ce que vous devez enseigner, ou bien venant de nous, ou bien dans un conseil. Il dit que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, et il continue en dit sans en rien cacher. Donc ce que Dieu a dit, Paul dit aux hommes, il les a tout dit. Alors maintenant, sur la base de la foi, donc, il n'y a rien que tu puisses ajouter pour dire que tu vas croire à quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Ça ne peut pas marcher. C'est que ça ne vient pas du ciel de Dieu. Tu vois, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, la révélation dont vient. La révélation, ça veut dire dévoiler. Révéler, le mot révélation veut dire ceci. Par exemple, quand tu vois le théâtre, quand on voit les scènes de théâtre, il y a le rideau noir comme ça. Le personnage est devant. Vous qui êtes dans le public, vous ne savez pas ce qui est derrière le rideau. On pousse. Dès qu'on tire le rideau, ça vous permet de voir là-dedans. Donc la révélation, si on prend ça étymologiquement comme ça, ça veut dire qu'on ouvre le rideau pour qu'on voit ce qui se trouve de l'autre côté. Maintenant, il y a deux sources de révélation. Quand on va chez le marabout, il donne les révélations, pas vrai? Il te dit des choses que tu ne connaissais pas. Et c'est vrai. Il a une source qui lui procure cette révélation. Dans la Bible, on voit Moïse est allé en Égypte, il a confronté les gens qui faisaient quelque chose. Lui faisait quelque chose, les gens faisaient quelque chose. Élie a eu la même chose. Il est allé sur la montagne, les gens ont fait quelque chose, il faisait quelque chose. Tu as vu cela? Donc, il y a toujours eu des révélations dans deux camps. Maintenant, la révélation de Dieu, Dieu nous a donné quelque chose qui est stable, tel enseigne que la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu. Et la Bible déclare qu'aucune parole de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Donc, ça veut dire que même si quelqu'un vient avoir n'importe quelle révélation, l'écriture doit devoir déjà confirmer. Si quelqu'un vient te dire maintenant que Jésus-Christ ne viendra plus, qu'il a changé d'avis, que l'enlèvement ne doit plus avoir lieu, tu vas le croire? Il y a des gens qui justement qui vont en enfer, ils disent que ils disent que Dieu a dit. Il y a même l'autre qui a eu la révélation. Il y a, on l'appelle Raël. Tu fais les recherches sur lui, tu vois. Il dit qu'il a rencontré le Dieu qu'on appelle Jéhovah. Il dit qu'il a 1m20 comme ça. Il dit qu'il ne comprend pas que Dieu lui a dit que c'est lui le prophète de la fin des temps. C'est lui qui doit restaurer toutes les choses. Il annonce particulièrement aux chrétiens que les chrétiens ont essayé d'embrouiller Dieu, que Dieu, Lucifer et eux n'ont jamais eu de problème. Que ce sont les chrétiens qui ont créé le problème sur la terre. Donc ça veut dire que Satan et Dieu s'entendent, ils boivent l'alcool là-bas entre eux. Et en réalité, c'est nous qui nous embrouillons sur la terre. Voilà une révélation qu'il a eue. Tu crois ça? Tu ne crois pas? Voilà une révélation. Donc tu vois effectivement que c'est la base qui te fait que tu ne crois pas, c'est parce que c'est contraire aux saintes écritures. Et donc si tu utilises cette base-là pour croire, ou bien pour te débarrasser des révélations, tu dois être à même d'utiliser cette révélation sur n'importe quoi de la vie chrétienne. Ça suppose donc que si n'importe qui te dit n'importe quoi concernant la chose des divinités et de l'au-delà, il faut qu'il y ait des versets bibliques qui soutiennent cela. Quand Paul, l'apôtre, allait vers chez les Juifs, parce que là, tu as le Nouveau Testament où tu en es lié maintenant. Avant ça, ils avaient plutôt les rouleaux de l'Ancien Testament, Genèse, Exode et autres. Or, quand lui venait, les révélations qu'il recevait, c'était spirituel. Il fallait maintenant qu'ils disent aux gens qui ont le livre que Jésus que vous avez crucifié là, c'est lui le Christ. La Bible déclare, il était obligé de le montrer dans la loi de Moïse. Dans les psaumes, il devait leur expliquer que voici ce qu'il devait faire. Comment il devait faire pour les montrer? Dans le psaume 16 et 2, et 22, il est dit par exemple que on a mis son tombeau parmi les riches. On dit que les chiens de, un band de chiens de Cérela m'environne. Ils ont tiré au sort mes vêtements. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, si Paul lui pose la question, est-ce que la personne qu'on a crucifiée était parmi les bandits? Ils disent oui. Ils disent voilà l'écriture qui montre. Tu as remarqué? Parce que le Messie devait accomplir certaines actions. Est-ce qu'il est mort hors du camp? Parce qu'on a dit clairement que les boucs devaient être détruits hors du camp. Est-ce qu'il est mort hors du Jérusalem? Parce que Golgotha était à l'extrémité de l'extérieur de la ville. Il est mort hors du camp? On dit oui. Voilà la deuxième chose qu'il réalise. On dit effectivement que son tombeau était un tombeau neuf parmi les riches. Est-ce qu'on a mis son tombeau parmi les riches? Je dis oui. On a effectivement mis là-bas. On dit qu'on a mis parmi les brigands. Est-ce qu'on a mis? On a percé. Est-ce qu'on l'a percé? On a dit oui. Justement, on l'a percé. Est-ce qu'il est né à Bethléem? Parce que le prophète dit, il est devenu naître à Bethléem. Effectivement, Jésus de Nazareth est né à Bethléem. Est-ce qu'il est issu de la maison de David? On se s'agit, il est né de la maison de David. Tu vois effectivement que tout concourt bon, avec l'écriture et la révélation qu'il a enseignée pour montrer que effectivement Jésus est le Christ. Donc il n'y a aucune révélation qui doit être farfelue. Parce que si tu prends une base de révélation pour expliquer que non, c'est une révélation qu'on a reçue qui n'est pas dans la Bible, il faut que tu acceptes toutes les autres révélations que tout le monde donne. Tu comprends un peu cela? Oui. Voilà, maintenant, je peux te poser une question? Oui. Pourquoi Marie ne veut peut-être pas mourir? Je vais un peu vous arrêter, homme de Dieu. Je pense que, je ne sais pas où, peut-être c'est l'esprit qui m'a poussé à le dire, je ne sais pas, à vous confier un côté que je n'aime pas trop confier aux gens de ma vie. Je ne sais vraiment pas si le Seigneur est en accord avec moi pour que je puisse un peu vous parler de ça. Parce que, je vous ai dit que moi, je ne suis pas très calée dans les scènes écritures. Mais tout à l'heure, je vais un peu... Je ne sais pas, peut-être ça peut m'aider. Voilà, ça fait peut-être 4 ou 5 ans. Oui. Alors, parce que comme vous me voyez là, je suis catholique. Mais moi, je suis très ouverte à tout ce qu'on a. Quand on parle de Dieu, justement. Tu me dis, le Dieu de Jésus-Christ. Puisque nous sommes là autour de la Bible, justement. Voilà, Dieu de Jésus-Christ. Je peux te suivre tête baissée, les yeux fermés. Moi, je ne suis pas très, très sceptique. Donc, ça fait peut-être 4 ans. Comme j'essaie un peu de souvent expliquer à mon papa que le Seigneur vient de me donner, j'ai connu beaucoup de souffrances dans ma vie. Tellement de souffrances, tellement. Aujourd'hui, quand tu m'appelais là, le matin, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Pour un moindre truc comme ça, ça m'a tellement irrité. J'étais pas bien. Peut-être c'est le Seigneur pour me détendre un peu. Il a permis que je sois au milieu de vous aujourd'hui, je sais pas. Ça fait peut-être 4 ans. Alors, je vivais encore avec ma soeur, ma grande soeur. Alors, je sais pas si vous connaissez le pasteur Itami. Ici à Yaoundé. Il est nordiste en fait, il était d'abord musulman. Vous le connaissez? Oui, voilà. Vas-y. Alors. Ekane, voilà, c'est ça, exactement. Alors, c'est ma soeur qui allait. Mais Ekane, c'est un nom nordiste. C'est un nordiste. Il avait changé le nom parce qu'il avait, il paraît que ces gens, comme ils sont très renfermés, mm-hmm. il avait tellement menacé qu'il était obligé de changer son nom musulman. Mm-hmm. Donc, il n'est pas son vrai nom. Oui, okay. pour évoluer mm-hmm. dans son ministère. Mm-hmm. Alors, il avait annoncé une campagne d'évangélisation en fin d'année comme ça, c'était décembre, comme mm-hmm. ça là. C'est ma soeur qui allait. Moi, je n'y allais pas. Et ta soeur, elle est catholique, la grande soeur, elle est catholique. Elle est catholique. Aussi. Mm-hmm. Elle y allait parce qu'elle a un fils là qui, mm-hmm. qui, dérange qui dérangeait souvent avec les maladies. Mm-hmm. Alors, mais moi, je le suivais souvent à la radio. Mm-hmm. Alors, un jour, je suivais la radio en journée comme ça. Là. Il a programmé un thème mm-hmm. sur le Saint-Esprit. Mm-hmm. Le thème m'a intéressé. J'ai dit que je vais aller. Je n'avais jamais mis mes pieds là-bas. C'était mes soeurs qui partaient, ma soeur qui partait, comme je vous dis. À l'époque, là, il était où? À l'Omisport. Il était encore à l'Omisport, à côté, en face du stade. Alors, je suis partie. Le jour-là, ce n'est même pas lui qui a prêché. Ce n'était pas le pasteur qui a prêché, le pasteur Ikani. C'est un autre pasteur. Alors, on a lu Acte des Apôtres, la descente du Saint-Esprit, mmh. acte 2, là. Mmh. Il a prêché dessus, il a prêché. Et il a dit que demain, ça ne va pas se passer, ça ne va plus se passer à Jérusalem, ça va se passer ici, mmh. Allà où nous faisons notre culte, là. Le Saint-Esprit va descendre, venez nombreux. Mmh. Ok. Le lendemain, comme j'aime dormir, j'aime vraiment, je l'avoue, j'aime beaucoup dormir. Alors, il fallait aller autour de 14 heures pour avoir une place. Mmh. Alors, j'ai mis le réveil pour que on ne sait jamais. Mmh. Je ne vous dis pas. Dès que le réveil a sonné, tchac, quand je veux me lever comme ça, mmh. j'étais malade. Mmh. Comme quelqu'un qui est malade depuis 2 semaines n'a pas mis pied à l'hôpital. Alors qu'avant de te coucher, tu n'avais pas de problème. Je n'avais rien. Mmh. Comme si depuis 2 semaines, mon mal va de mal en pis. Mmh. Et je suis là couché. Mmh. J'étais malade. Mmh. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, au deuxième jour seulement, je me sens déjà comme j'ai dit que si c'est là, moi, je vais mourir là-bas. Mmh. C'est ce que j'ai dit au Seigneur, que je vais mourir là-bas. C'est peut-être mieux. Je me suis habillée. Ah, je vous dis que j'étais, malade. Mmh. Ma soeur n'était même pas là. Il fallait voir comment je montais la colline pour aller prendre la moto. Parce qu'il fallait prendre la moto, se mettre en route, prendre le taxi. Je suis quand même arrivée. Mmh. Dieu merci. Quand je me suis assise, on chantait. Comment? C'est souvent l'ambiance dans les églises réveillées. Oui. Mmh. J'ai commencé à taper le pied. Mmh. Finalement, je me suis mise debout. Mmh. Je suis dansée. L'ambiance a pris aussi dans les églises. Voilà. Mmh. Maintenant, le pasteur vient. On commence à prêcher. Maintenant, le moment puisqu'il a dit qu'il va faire descendre le Saint-Esprit. Moi, j'ai compris ça, que c'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est comme mmh. ça, en gros, comme mmh. ça que j'ai pris ça. Il a commencé à... Et entre-temps, que ce soit dans les groupes de prière catholiques, j'y allais déjà. Je ne manifestais jamais que les gens font des trucs. Mmh. Curieusement, ce jour-là, mmh. quand le pasteur appelle le Saint-Esprit, il invoque mmh. le Saint-Esprit, comme je dis, il appelle le Saint-Esprit mmh. avec force, prie. Je commence à... De bouger. Tu dis, hé, qu'est-ce qui m'arrive? Depuis quand? Mm-hmm. Je vous dis que ça ne m'était jamais... J'ai même envie de dire que prier souvent, que ça m'arrive même aussi un peu, mm-hmm. parce que ça ne m'était jamais arrivé. Mm-hmm. Je suis rentrée. Non, c'est qu'elle m'a caché tout ceci. Parce qu'elle a dit tout à l'heure que c'est la première fois qu'elle ouvre comme ça, là, oui. Oui, mm-hmm. Elle dit qu'elle ne sait pas si c'est le Seigneur qui dit. Je n'aime pas beaucoup parler de ça. Mm-hmm. Franchement, je n'aime pas parler de mm-hmm. ce côté-là. Mm-hmm. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Mm-hmm. Bon, oui. Donc, je suis rentrée à la maison, j'étais déjà bien. Mm-hmm. Quelqu'un qui sortait la maison. Attends, ça se c'est quoi? Après, tu étais bien. Oui, il mm-hmm. a demandé qui a reçu, après là, dès qu'il a fini de faire les prières, qui a reçu le Saint-Esprit. J'ai mm-hmm. dit que bon, comme j'ai... Bougé, c'est que tu as reçu. Forcément, j'ai reçu. Mm-hmm. Je suis parti devant, il a prié encore. Mm-hmm. Parce pourquoi que tu reçois encore très seul. Bien. Mm-hmm. Oui, je n'étais pas seule. Je suis parti. Mm-hmm. Je suis rentré à la maison. Maintenant, quand je rentre à la maison, Et ceux qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit étaient frustrés. Pardon? Ceux qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, puisque vous êtes venus nombreux pour pouvoir occuper la place depuis très tôt, 14h. Uh-huh. Parce que certainement, ce n'est pas tout le monde qui a dit que j'ai reçu le Saint-Esprit. Non, tout le monde, pas tout le monde. Et les autres ont fait comment? Ils sont restés assis. Il y a quand qui a reçu le Saint-Esprit, un peu comme vous dites, que qui se sent bien, par exemple. Il y a des personnes qui l'ont reçu, sont parties. Okay. Voilà, ils sont partis. Alors, je suis. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Je me rends compte que j'ai reçu quelque chose là-bas que je ne pouvais vraiment pas m'expliquer. C'était que quand je prie, quand je me mets à prier, je vous parle du lendemain, j'ai repris le même acte des apôtres, chapitre 2. Quand je veux commencer à lire, je me rends compte que je lis que là, qu'il y a quelque chose en plus en moi qui est comme si elle connaît toute cette Bible-ci. C'est-à-dire qu'elle veut réciter, elle va réciter toute cette Bible, c'est-à-dire qu'elle me dévance dans la lecture. C'est-à-dire comme si elle a sa tour dans la tête. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qui se passe à moi? Très vite là. Tu as dit que Saint-Esprit qui est là-bas, qui vient d'arriver, calme-toi. Tu l'as dit ça, non? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je ne suis pas. Je ne suis pas tellement comme ça. Donc, tu étais juste dubitatif. Tu étais un peu dubitatif. Oui, je voulais comprendre. Je voulais comprendre ce qui se passe en moi. Quand je priais, quand je me mettais en prière, c'était ce qui se passait en moi. Ce qui fait que j'ai commencé à aimer cette voix. Que quand je prie, ma voix change. La voix est très belle. Quand je prie, je vous dis, une voix extraordinaire. Ce qui fait que j'étais que quand je suis en train de faire mes prières, c'est-à-dire si j'avais peut-être deux passages de prière à lire, je fais un pour que cette voix-là revienne et que pour l'écouter encore. La voix me dit que tu fais la pression. Tu fais la pression parce que quand je dis même que j'étais même que quand je dis Saint-Esprit, quand je dis Saint-Esprit, il vient. Je ressens comment cette voix-là vient et on commence peut-être à lire. Mais entre-temps, ce n'était pas, comment je peux dire. Bon, s'il te plaît, avant que tu ne continues, je te pose une question. Depuis que tu as quitté là-bas chez Ekanela, après que tu aies reçu cela, tu as continué chez les catholiques. Oui, okay, mais je l'avais rencontré. Je suis allée lui dire. Mais il m'a dit que il souhaitait que je passe à la radio et que je fasse le témoignage que j'ai reçu du Saint-Esprit, effectivement, parce que je lui ai expliqué un certain nombre de choses. Il voulait que je passe. Bon, ça a fait ce que ça a fait, mais je ne suis pas passée à la radio. Mais je te coupe pas, tu as dit que ce jour, ce n'était pas Ekane qui a prié. Non, ce n'était pas lui. Il a fait venir un pasteur, parce que peut-être en fin d'année, son souvent. Maintenant, tu es allé expliquer à qui, à ce pasteur qui a prié, qui a fait descendre. J'avais aussi rencontré le pasteur. C'est ce jour-là, puisqu'il était là pour dire qui a reçu. Le pasteur, je l'avais rencontré plus tard. C'est lui-même qui a avait prié. Je suis allé peut-être là-bas, peut-être un ou deux mois. C'est un de ses pasteurs là-bas, hein? Ou bien c'est quelqu'un qui l'a invité peut-être de l'extérieur. Un de ses amis pasteurs qui peut-être quand je me dis, quand peut-être il a trop de travail, il est sollicité. Parce que le jour-là, il n'était même pas à l'assemblée. Peut-être qu'il est aussi parti prêcher ailleurs. Peut-être, je ne sais pas. Donc, ça fait ça, ce que ça a duré comme ça a duré. Alors, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Après le Saint-Esprit, suivez-moi très bien, vous êtes des hommes de Dieu. Hein. Si c'est peut-être, disons, les mauvais esprits, peut-être vous allez discerner que j'étais en présence des mauvais esprits, ou je ne sais pas. Suivez-moi très bien, je vous en prie. Alors, j'ai aussi, après lui, quand lui, il me parlait, le Saint-Esprit, c'était les mots. Des mots, c'est-à-dire, s'il veut peut-être que je lise un passage, ce n'était pas de manière courante qu'il me parlait, c'était des mots. Mais comme je priais vraiment de manière assez soutenue à cette époque-là, il y a un mot qui venait souvent, que roi, roi, roi, roi. Quelques temps après, j'ai expérimenté aussi la personne du Christ. Du Christ. C'est le Christ un peu qui a commencé à me parler de manière vraiment que, c'est-à-dire que comme audible. Je pose avec vous là. Mm-hmm. Oui, oui, c'était... Tu entends la voix extérieure ou bien à l'intérieur? Je vais vous expliquer comment ça se passait, mm-hmm. comment ça s'est passé. La voix était comme mentale mm-hmm. au départ. Mm-hmm. Mentale, oui. Mm-hmm. Oui. Après ça, c'est devenu audible. C'est-à-dire mm-hmm. que comme si, comme on se parle là, oui. vraiment avec mes oreilles physiques, mm-hmm. j'entends ce qu'il me dit. Mais tu ne vois pas. Et tu ne vois pas la personne. Là, je ne sais pas. Oui, oui, mais pour la première fois, quand il s'est présenté, comment tu savais que c'était lui alors? Parce que tu as dit qu'après le Saint-Esprit, c'était le Christ. Mm-hmm. Pour la première fois, quand il s'est montré, comment tu as su que c'était le Christ? Comment j'ai su que c'était le Christ? Ou bien il s'est présenté comme tel? Non, il ne s'est pas présenté comme tel. Mm-hmm. Parce qu'il disait prière, mm-hmm. prière, prière. Mm-hmm. Mais je pense que c'est... le Saint-Esprit qui m'a révélé que c'est lui. Mm-hmm. Parce que lui-même, il ne m'a pas révélé que c'est lui. Il ne m'a pas dit. Il ne m'a pas dit que c'est lui. Mm-hmm. Maintenant, il a commencé à me parler. Mm-hmm. Et en passant, j'ai traversé une étape. Mm-hmm. À l'étape du Saint-Esprit. La voix était joyeuse mm-hmm. quand elle a commencé à me parler. C'était comme si c'est une personne... qui vient d'accomplir un travail, il est très content, mm-hmm. très à l'aise, très mm-hmm. content quand il vient, il est content, il part, quand il me parle, il est content. Mm-hmm. Maintenant, au niveau du Christ maintenant, il était aussi très bien avec mm-hmm. moi. Mm-hmm. Il y avait une petite différence dans les voix. Mm-hmm. Je ne sais pas, je ne voudrais pas trop entrer dans les détails. Mm-hmm. Bref, maintenant, le Christ me dit que il est là et que il est Dieu, il est là en moi, mmh. effectivement, mmh. mais que j'ai un problème. Oui. Il dit que j'ai tellement de problèmes, mmh. mais il est là, que je sache que même comme il est là, j'ai des problèmes mmh. spirituels. J'ai un problème spirituel. Parce qu'un jour même, comme vous m'avez parlé hier que le problème c'est la tête, mm-hmm. c'était net. Mm-hmm. Comme le verre, je ne sais pas si j'ai parlé de ça la dernière fois. Quand on s'est réunis ici. Je ne sais pas. Oui, avec les frères là, mm-hmm. je leur avais parlé du verre qui ne marche pas tout. Mm-hmm. Oui, oui. Et, voilà. Donc quand j'étais touché, il était dit que le problème c'est ici en la tête. Tu savais de quoi il parlait. Oui. Donc depuis l'enfant j'ai ce problème là. Mm-hmm. Pas depuis l'enfant, la classe de troisième mm-hmm. que cette histoire a commencé. Mm-hmm. La classe de troisième. Que je ressens quelque chose qui marche dans la tête, tout ça me fait faire des cauchemars mm-hmm. et tout. Donc un jour, mm-hmm. je ressens cette chose dans la tête. Mm-hmm. Tu ressens cette chose dans la tête. Mm-hmm. J'ai continué à faire mes travaux. Tellement, ça m'a déjà tellement fait que c'est comme si c'est déjà habitué. Oui. Il me dit que ce que tu ressens dans la tête, là, toi, tu ne ressens rien, tu ne dis rien. Mm-hmm. Ce que tu ressens dans la tête, là, mm-hmm. c'est comme si je me réveille que... Parce que je ne peux pas vous dire que j'avais déjà prié que, mm-hmm. Seigneur, j'ai tel problème, enlève mm-hmm. et tout. Non. Il me dit, toi, tu ne ressens pas que tu as un problème là dans la tête, qu'il y a mm-hmm. quelque chose qui... Ah, c'est là que je prends conscience, oui. Il faut que je prie pour ma tête, c'est que j'ai un problème dans la tête, dans des phénomènes. Parce que lui-même, il me dit que toi, quand je te vois, tu es tellement naïf et tu vois Dieu partout. Mm-hmm. Fais attention avec le monde spirituel que tu vois là. C'est moi, Dieu, moi je te le dis. Mm-hmm. Fais attention. Tu es que dès qu'on dit que Dieu, tu vois, c'est-à-dire que. Quand tu es là, on dit Dieu ici, c'est comme si Dieu, tu as dit dans le nom de Dieu, tu pars seulement. Que Dieu, tu pars seulement. Oui, je pars seulement. Mm-hmm. Et effectivement, je suis comme ça. Mm-hmm. Donc, fais attention, tu es un peu comme ça. Maintenant, je suis en train de vous dire ce qui m'arrive. Je ne sais pas, je suis en train de vous dire que je mm-hmm. sais que vous êtes utilisé par le Saint-Esprit. Il faut vous confirmer où c'est des choses, des tromperies. Anormales. Mm-hmm. Où c'est des... Continue l'histoire. Oui. Maintenant, après le Christ, ce n'était pas des choses qui duraient deux semaines ou... ça mettait du temps vraiment, hein, que mm-hmm. quand je suis en présence de la personne du Christ, c'est vraiment... sa période. Oui, oui, oui. Et il m'arrive souvent parfois, puisque ça, jusqu'à maintenant, ça se passe. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas très longtemps, là, ça fait peut-être une semaine. C'est-à-dire j'ai souvent des pensées très fortes. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'ai la capacité de comprendre certaines choses. Mais je sens que c'est l'esprit mm-hmm. l'esprit de Dieu en moi qui comprend ça. Parce mm-hmm. que peut-être si c'était dans la nuit, le matin, mon cerveau physique mm-hmm. ne capte pas grand-chose. Donc il me dit que c'est en fait parce que j'ai tellement été moulé par le Saint-Esprit. Mm-hmm. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que l'esprit ne parvient pas à transmettre ça au cerveau parce que la tête a les problèmes. Mm-hmm. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Mm-hmm. Il y a un déphasage entre l'esprit et le physique, le cerveau physique. La tête a les problèmes parce que jusqu'à maintenant, j'ai des cauchemars, mm-hmm. j'ai vraiment des problèmes spirituels. Mm-hmm. Il a dit qu'il est là, que ça doit partir. Maintenant, je vais d'abord couper là. Mm-hmm. Il m'a donc dit, le Saint-Esprit, mm-hmm. par exemple, il m'a dit que les hommes de Dieu là, « Oh, je suis de tel obédient, je suis... » Il dit que son église est une sainte, mm-hmm. que ça ne va pas changer. Mm-hmm. Qu'il passe le temps à se fustiger. Il dit mm-hmm. il dit que son église est une et sainte, mm-hmm. que ça va rester comme ça. Mm-hmm. Que ce qui se passe là maintenant, qu'il y a tel... Il dit que lui-même, il contrôle ça. Il me l'a dit. Mm-hmm. Il dit que lui-même, il contrôle, c'est ce qui se passe. Et c'est là où il va, mm-hmm. avec son église. Mm-hmm. Il dit que vous, les hommes, que vous divisez même comme vous divisez là. Mm-hmm. Mais il dit que son église est une mm-hmm. et c'est là où ça va. Mm-hmm. Donc il me l'a dit. Il me dit donc qu'il faut que je rencontre un pasteur. Mm-hmm. Et que je rencontre aussi un prêtre catholique. Mm-hmm. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que moi je suis descendu te délivrer de ces choses qui ont été faites sur toi, mm-hmm. étant enfant. Si tu veux, va dans les groupes de prière. Mm-hmm. Je ne t'interdis pas. Mais je dis que moi-même, je vais personnellement faire cette histoire. Et ça s'est passé. Mm-hmm. Mais maintenant, quand l'esprit... Tu dis que ça s'est passé, ça veut dire que tu as été délivré. Hein? Tu dis que ça s'est passé, ça veut dire que tu as été délivré. Non. C'est pas mm-hmm. ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler. Maintenant, j'aime pas envie de vous faire mm-hmm. comprendre quelque chose. Ok. Maintenant, l'Esprit de Dieu me dit maintenant... Il faut que tu cherches un pasteur, tu cherches à voir un pasteur, mm-hmm. tu cherches à voir un prêtre et tu leur en parles un peu mm-hmm. ce que tu vis. Et tu vas venir me dire et ce tendance. Qu'ils en pensent. Mm-hmm. Oui, tendance. J'ai rencontré un pasteur. Mm-hmm. Quand j'ai parlé au pasteur, le pasteur, lui, non, il m'a même expliqué beaucoup d'autres choses. Parce que quand le Seigneur, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe. Il n'entre pas dans les détails de manière que voilà telle histoire. C'est comme si c'est un peu aussi comme des paraboles que mm-hmm. bon, quand tu rencontres un homme de Dieu, t'éclaires. Si tu mm-hmm. ah il a dit ça, oui peut-être c'est ce qu'il voulait. Ah oui je comprends, je vois un peu, mm-hmm. vous voyez un peu. Donc en fait c'est ça. On peut avoir le nom du pasteur. Hein? Non, c'est le nom du pasteur est important. Déjà, elle a dit qu'elle était voir le pasteur qui avait pris pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Tu as vu et oui, également. Je les avais rencontrés tous. Mm-hmm. Donc maintenant, alors quand je suis allée revoir le pasteur, c'était un autre pasteur maintenant mm-hmm. Que je suis allée rencontrer. Quand je lui ai expliqué que lors de mes délivrances, quand il me délivre, que ce soit l'Esprit Saint ou le Seigneur Jésus-Christ, quand ils viennent un peu aussi comme on prie là. Hein. C'est des mmh. hommes de prière, je ne savais pas que Dieu prie. Hein. Mmh. Si c'est le Saint-Esprit, dit au nom de Jésus-Christ, mmh. toi, esprit de machin, je te dis de sortir, de te mmh. mettre dehors mmh. et tout et tout. Alors, une fois, le Seigneur Jésus-Christ me délivrait. Il a dit que je faisais souvent un geste là. Mmh. Il a dit que je ne fasse plus ça. Maintenant, quand j'étais en présence de l'Esprit de Dieu, mmh. il dit... Puisque c'est souvent que, même si je pense quelque chose dans le corps, je n'ai même pas besoin de parler. Mm-hmm. Il dit, ah, je suis en train de penser dans mon cœur. Hein. Mm-hmm. Ah, il a dit que tu ne fasses plus tel genre. Mm-hmm. J'ai fait d'abord aller le voir, lui demander mm-hmm. pourquoi il dit ceci. C'est-à-dire un respect parfait. Mm-hmm. Et t'as dit, Dans le Saint-Esprit, donc, dit que quand il va aller, quand oui, lui renseigner au Christ, pour qu'il s'entende, pour que pourquoi il. J'ai dit merde, tout, pas merde, mais j'étais un peu. Et tu dis waouh, donc ils s'entendent comme ça. Ils un grand respect. Comme ça. Oui, dans un grand un respect qui. Le Saint-Esprit, il respecte tellement Jésus qu'il ne peut pas te prendre une décision. Et le Saint-Esprit, Jésus, c'est la même chose. Le Saint-Esprit m'avait confié que. Lui, il a peur de dire Saint-Esprit. Saint-Esprit que vous chantez là. Il dit que lui, il a peur de dire même Saint-Esprit. Ça t'a paru bizarre. Ça t'a paru bizarre que le Christ là. Non, le Christ pas là. Que bizarre. J'ai dit que, mais quel respect, que c'est extraordinaire. Je te coudais là. C'est quoi là? Non, c'est la jeune fille qui est allée verser. Ok. Que c'est extraordinaire ce qu'il me. Donc quand le Saint-Esprit te dit quelque chose, le Saint-Esprit te dit, ah, il t'a dit cela, je vais le renseigner pour renseigner. Oui, je vais me renseigner pour que... Jésus, quand il vient, il a du respect. Nous, on appelle Saint-Esprit, alors qu'il a même peur. Non, c'est mes commentaires à moi. Oui, oui. Lui m'a dit que lui, quand lui, il a même peur de dire Saint-Esprit, il m'a aussi parlé de quelque chose. Parce que, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est un peu comme il s'est approché de moi, le Seigneur Jésus-Christ, comme un peu comme un Dieu ami. C'est-à-dire que il te confie. Ton confident, quoi. Et oui, je vais vous donner un peu un exemple pour que vous essayez un peu de comprendre ce que je veux transmettre, parce que je sais que j'ai un peu de problèmes pour transmettre. Il m'avait même expliqué ça, que ce problème qui est dans la tête, ça touche les dents, la langue. Et ça crée des. Parfois je fais des lapsus, je dis que c'est pas bon, que c'est esprits un peu là qui font ça, que peut-être je veux dire un mot, je dis autre chose. Donc il dit que ça va du cerveau, ça touche la langue et les dents, ce qui fait que je suis souvent, parfois aussi j'ai comme des trous de mémoire, c'est-à-dire je venais de dire telle chose, j'oublie. Il dit que c'était un peu cela. Et justement j'ai ces trous de mémoire où en était. Tu voulais dire quelque chose, un secret par exemple que Jésus avait dit. Ah voilà, je voulais vous dire ceci, que pour que vous essayiez d'un peu de mieux me cerner dans ce que j'ai envie de dire. Quand le Seigneur Jésus-Christ s'approche de moi, je vois ça de la façon dont je comprends un peu. C'est comme si un être très éduqué. Quelqu'un qui est bien instruit, bien... tellement éloigné de moi. Supposons que vous là maintenant, vous êtes peut-être un docteur ou un professeur, que vous connaissez tellement de choses. Et maintenant, moi j'habite... Comme quelqu'un à la CIL. Oui, je suis à la maternelle même. Vous vous approchez de moi, vous commencez à causer, vous prenez la Bible, vous commencez à m'expliquer les choses de la Bible. Quand même bien, même je ne comprends pas, vous me dites que ne t'en fais pas, si tu ne comprends pas, laisse. Ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, même si tu ne comprends pas. Vous m'expliquez, vous venez même, si vous m'avez trouvé sale, vous me dites que non, il faut changer tes habits, tu ne vois pas que c'est sale. Oui. Si peut-être, je ne sais pas, c'est un peu comme exactement. Ça. C'est-à-dire un peu le quotidien, comme si c'était un ami. Oui. C'est-à-dire qu'on a parlé de tout et de rien. Passant de la sexualité, ma sexualité, parce que en passant, quand j'ai commencé, je vivais ça, je sortais d'une déception amoureuse. J'ai tellement aimé l'homme, je brosse un peu, un homme qui, je l'ai connu, il était en instant de divorce. Maintenant, le bon monsieur divorce, il prend une autre femme. Il te laisse là comme ça. Ça m'a frustré. Ça m'a frustré. Vous savez que les femmes, c'est éternel, le mariage, c'est mal. C'est comme si. Ça m'a tellement. Vous voyez, je suis assez ouverte comme ça. Justement. Parce que. On est en famille. C'est comme ça qu'il est. Du Seigneur Jésus-Christ. Ouvert, c'est-à-dire que c'est toi, un moment, qui l'aborde, il te prend dans un sujet comme ça. Tellement. Le tabou, il ne connaît pas le tabou. Il parle de tout. Alors. Le monsieur m'a tellement déçu et tout. Après, il me fait comprendre que par rapport à ta relation là, parce que quand il vient, en passant, c'est tellement de choses, homme de Dieu. C'est pas possible de raconter tout. Oui, c'est pas possible. Donc, je suis un peu en train. Il m'a fait comprendre que quand il s'approche d'un être humain, c'est pas le cœur qu'il regarde d'abord, c'est l'aspect physique. Il dit que quand il regarde l'aspect physique, c'est que cette âme, ça a les problèmes. Il n'a pas besoin de regarder le cœur. Donc, quand il vient, j'étais déjà comme une vieille femme. si j'ai mis le kaba, peut-être ça va faire 2 semaines chez moi. Mm-hmm. J'étais déjà. Le nyanga, je ne faisais pas, mm-hmm. je n'avais pas de vernis. Je dis que non, tu, mm-hmm. on s'arrange. Mm-hmm. Quand on est une femme, on doit ça. Voilà, tu veux même le mariage. Tu crois que quel homme, mm-hmm. va te... c'est en terre pour, oui. que vous compreniez un, mm-hmm. peu... Je ne suis pas en train de dire que c'est comme ça, que oui. Mmh. Et on s'arrange, on fait ci, on fait ça. Mmh. Alors, dis-nous, mmh. pendant que tu y es, je pose la question. Dans toutes ces relations avec le Saint-Esprit et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit de Marie? Oh, je vais en venir, mmh. je vais en venir. Je suis en train de... Mmh. Oui, j'ai pris le volet de tout à l'heure, ça, oui. fait que je perde un peu ce le que film, je voulais, oui. vous dire. J'ai un peu perdu, c'est mmh. ce que je voulais un peu... Mmh. En tout cas, le but, c'était de parler de cette communion avec l'esprit et le quotidien avec lui. Oui, le quotidien avec lui. Il y a un aspect que je voulais attirer. Je voulais un peu... Dans cette intimité, donc, la parole, c'était comment? C'est comment la parole et la prière? À l'église catholique, tu as dit tout à l'heure là, que tu étais voir un pasteur. Tu n'as pas dit l'aspect du prêtre. Tu en as aussi parlé au prêtre. Maintenant, je suis en train de travailler avec le prêtre. Le prêtre, lui, m'avait dit de rédiger. Mm-hmm. Il va lire. Oui, qu'il va lire. Tout ce que tu as de l'écrire, si il faut écrire, ça va faire combien de livres? Il va pouvoir lire ça. Je modifie tout le temps. Parce, mm-hmm. que j'écris tout le temps. Mm-hmm. Parce que ce que j'ai écrit au prêtre, je lui ai donné. Mm-hmm. Je n'avais même pas développé tous les thèmes que j'avais. Mm-hmm. Je lui ai dit que j'allais développer au fur et à mesure. Mm-hmm. Donc ce que j'ai aussi écrit, c'est là. Mm-hmm. Mais j'ai aussi ça sur la clé. J'écris. Mm-hmm. Et le manuscrit même, je n'ai pas. Oui. J'ai le manuscrit à la maison. Oui. Donc, généralement, quand le prêtre m'a dit d'écrire, c'est ce qui me venait en tête là que, tu écris. Que j'ai, mm-hmm. essayé d'écrire. Mais j'ai vraiment écrit. Mm-hmm. Je compte que quand ça sera je terminé. Serai un peu stable, je, mm-hmm. vais mettre tout ça par écrit. Parce, mm-hmm. que je pense même que pour lui, quand il m'a dit d'écrire, c'était beaucoup mieux. Mm-hmm. Là, il allait. Parce que quand je vous dis, vous voyez, je tire. Après, alors que quand tu es seul, tu peux essayer, oui. de t'arrêter un peu, oui. réfléchir, avancer. Oui. Mm-hmm. Des fois, même quand. J'écris même parfois, c'est sous son inspiration. Mmh. Il dit que quand tu parles à un homme de Dieu, ne lui dis pas, ne tire pas comme je suis en train de tirer là. Mmh. Il dit que parce qu'il risque de se perdre, mmh. il dit que tu vas... Le droit au but. Oui. Et il m'a même dit, quand je vous disais tout à l'heure que je n'aime pas trop parler de ce côté-là, mmh. parce qu'il m'a dit que, tu vois, c'est les êtres humains. Quand, mmh. tu parles de quelqu'un que j'ai parlé avec le Saint-Esprit. Mmh. À côté encore, tu dis que tu as des manifestations, que l'ennemi machin. Mmh. Ça crée des idées. Oui, oui. Oui. Mmh. Il dit que lui, ce qu'il m'a dit, mmh. il dit que s'il préfère que je dise que si, que je dise par exemple que voilà, je parle oui. si je peux dire des révélations. Bon, oui. Que oui, sans parler des deux. Oui. Mais bon. Je ne sais pas si j'ai failli ou je ne sais pas. Parce que tout à l'heure, j'étais un peu en débat avec moi-même pour, mmh. dire que, est-ce qu'il faut que je parle à ces, mmh. hommes de Dieu, de ce côté-ci. Mmh. Parce que lui-même, il a dit que ce qu'on vous dit à l'oreille, criez-le sur les toits, et tout. Maintenant, mmh. Avec le Seigneur Jésus-Christ, on a prié, on a. Mmh. Maintenant, il m'a dit que. Pas qu'il m'a dit. J'ai aussi fait l'expérience de parler un peu avec le Père aussi. Mm-hmm. Moi, j'étais déjà perdue à un moment donné. J'ai dit que moi, si c'est même moi vraiment, ce n'est pas les manipulations du malin par hasard. Tant que tu arrivais à nouveau, tu disais que c'est sûr, c'est le malin qui a de mieux appelé. Dès que j'ai dit ça dans mon cœur, il, mm-hmm. dit que. Lui commence à me dire à dire ce que je suis en train de dire dans mon cœur. Il dit que, mm-hmm. comme tu as le but là, tu pries. Tu dis qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il te dit ce que je dois dire. Il dit qu'au, mm-hmm. nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te commande de partir. Si, mm-hmm. c'est un esprit de mort. Ça peut aller. Tu ne sens pas trop froid. Hein? Ça va. Mm-hmm. Comme tu me vois toujours en pull. Non, c'est le climat de Yaoundé. C'est bon, le climat de Yaoundé est bon, non? C'est comme, mm-hmm. le climat ici. Non, c'est que moi je ressentais déjà la fraîcheur. Toi, Dieu est de Yaoundé, tu ressens la fraîcheur. Moi, ils sont des doigts là, je suis à l'aise comme ça. Oh. Mais on a eu froid ici, hein, pendant les saisons de pluie, c'était pas froid. Donc quand je pense à l'intérieur, il répond directement. Lui me répond, c'est-à-dire que je n'ai, jusqu'à maintenant, je suis comme ça. Et je suis que quand peut-être, si j'ai eu par exemple, parce que le Saint-Père m'avait dit que, comme je suis en train de vous dire là que j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, d'un mari souvent d'être très triste. Il dit que quand tu entretiens des pensées tristes là, je vais te voir au ciel là-bas. Vous voyez, quand il vous dit qu'il va vous voir là-bas, cela fait les pensées tristes. C'est embarrassant. Je dis, oh Seigneur, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour... Comment tu gères toutes ces choses au quotidien avec ton entourage? J'en arrive. Donc, avec l'Esprit du Père, il m'a dit de ne pas souvent trop lire l'Ancien Testament. Que c'est un peu difficile, coriace pour toi. Pour moi. Que le mieux c'est souvent de lire le Nouveau Testament. Que c'est plus accessible. Que c'est plus accessible. Qu'est-ce que je prends encore? Prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau, tu bois. C'est bon pour moi. Oui, le temps que tu vas, tu respires un peu. Hier, quand je t'ai touché le cerveau, la tête, je dis que le problème est dans la tête. Tu penses que quoi? Comment je fais pour savoir alors? Je vous ai dit tout à l'heure que je sais que vous travaillez avec le Saint-Esprit, donc que forcément c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous-même, est-ce que vous me connaissez quelque part, que peut-être je vous ai raconté que bon, j'ai un mal de tête ou je ne sais pas. Donc quand vous me dites ce qui me concerne comme ça, là, de manière directe, comme ça, je sais automatiquement que le Saint-Esprit vous utilise et qu'il vous a. Et quand peut-être je viens aussi une séance de prière comme ça, je lui dis. Voilà. En voyant tout ce qui s'est passé hier là, qu'est-ce que tu en penses? Quand tu as vu tout ce qui s'est passé hier, les gens qui vomissaient partis, tout ce qui est arrivé là-bas, tu as pensé quoi au juste? Mais que le Seigneur agit tout simplement. Tout simplement. Mais concernant moi, maintenant concernant la Vierge Marie, ce que le Seigneur Jésus me dit. Je ne sais pas s'il faut commencer par la Vierge elle-même. La Vierge elle-même. Je lui avais parce que j'ai aussi entré en contact avec la Vierge. Oui. Donc tu as entré en contact avec la Vierge. Oui. Ça c'est avant le baptême du Saint-Esprit que tu as dit chez Ekanela. Non, pendant ces moments-là. Oui, c'est très intéressant. Oui. Moi j'appelle ça les dérapages, excusez-moi. Elle dit qu'elle ne connaît pas entendre ça, qu'on la critique et tout et tout. Elle, c'est qu'elle ne gère pas, en tout cas, qu'elle ne gère pas ça. Qu'elle ne prend pas ça en compte. Elle ne prend pas ça en compte. Que le problème, c'est que le nom de Dieu grandisse pour elle. Allons à la base, parce que si quelqu'un nous écoute maintenant, il ne peut pas comprendre ce qu'on a de dire. Oui. Tu as contacté la Vierge Marie comment? La contacter comment? Comment tu es entré en contact avec elle? Pourtant, elle n'est pas au milieu de nous. Au moins, c'est le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit aussi. C'est le Saint-Esprit Jésus qui commence à me parler de sa mère. Il dit que comme je vous ai dit à la croix là que... Voici ma mère. Oui. Voici c'est ta mère. C'est ce que je te dis aussi. Non, ça veut dire que tu prends en considération sa maman. Oui, et que je prenne en considération sa maman, qui me donne sa mère et tout. Et j'ai dit alors que concernant les prières, parce que j'ai posé la question, pentecôtiste, voilà. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Oui. Que à quel moment, parce que là tu dis, c'est Jésus qui t'a dit que, comme j'ai dit à l'apôtre Jean à la croix, que voici ta maman, fils, voici ton fils, que je te donne aussi. Oui. À quel moment Marie entre en scène? Quand Jésus te dit comme ça, est-ce qu'il te dit encore autre chose que tu dois faire de façon particulière pour sa maman? Je l'ai dit, n'est-ce pas? Après cette recommandation-là, que comme j'ai confié Jean à ma maman et la maman à Jean, il te l'a fait la même chose. Qu'est-ce qu'il t'a dit comme recommandation vis-à-vis de sa maman? À moins qu'il n'y a pas fait de... Il n'a pas dit quelque chose de secret, ni quoi que ce soit, que tu dois faire tes prières de l'Italie. Il m'a dit ceci, quand les gens sont en train de dire que voilà, Marie, c'est soit je fais des prières pour que je dise, je peux par exemple prier que l'Esprit de Dieu donne des éclaircies à tes enfants que nous ne connaissons pas, viens toi-même éclaircir. le rôle la chose. De ta mère, mm-hmm. oui, auprès de tes enfants. Oui, oui. Et que je ne dois pas souvent entrer dans les discussions quand mm-hmm. on parle de mari, mm-hmm. que c'est des péchés, c'est des abominations. Oui, c'est des abominations. Mm-hmm. Ça, c'est Jésus qui te dit comme ça. Oui, oui. Mm-hmm. Il dit que c'est des abominations. Que je ne sais pas comment mettre ça. Je peux vous le dire. Donc, qu'il est conscient de ce qu'on dit de sa maman ou bien de ce qu'on, comment les gens traitent et ainsi de suite. Oui, les mm-hmm. gens traitent que c'est pas bon. Mm-hmm. C'est pas bon. En clair, qu'on ne peut parler. Elle a une place mm-hmm. de choix là-dedans. Et qu'elle est au ciel mm-hmm. et qu'il est effectivement au ciel, corps et âme. Avec sa maman. Avec sa mère. Mm-hmm. Mm-hmm. Bon, et quel est le rôle de sa maman dans ce cas? Le rôle de sa mère. Qu'est-ce qu'il a dit que son rôle de sa maman, c'est quoi? Il dit que sa mère est Corédentrice. L'une des personnes oui. mm-hmm. qu'il écoute beaucoup. Mm-hmm. Qu'il dit il me dit ceci, qu'en fait, j'ai écrit ce... Mm-hmm. Tu as écrit ça pour donner au prêtre? Oui, je lui ai donné. Ce que tu dis là maintenant, que tu en as écrit pour donner au prêtre, est-ce que cet aspect de Marie, si tu as dit ça au pasteur que tu as rencontré? Au pasteur. Mm. C'est que j'en ai dit de Jésus qui a parlé de sa maman. Avec le passé, on n'a pas beaucoup développé. Hein. Ah, ok. Oui, on n'a même pas, je dirais même qu'on n'a pas travaillé mm-hmm. dessus. Parce qu'ils m'ont tout de suite mis, comment je peux dire, qu'il fallait la délivrance et tout. Mais il était conscient qu'il mm-hmm. Y a quelque chose qui se passe en moi. Mm-hmm. Parce que quand je lui expliquais, quand je lui parlais, mm-hmm. il s'attardait seulement à mieux expliquer ce que je suis en train de lui dire. Mm-hmm. Parce que quand je lui dis je lui explique mon étonnement de la façon dont les trois personnes de la Très Sainte Trinité se respectent, mm-hmm. il dit que oui, plus si c'est normal, mm-hmm. il y a une hiérarchie. Complémentarité entre eux, il n'y a pas de domination, mm-hmm. c'est que c'est normal. Mm-hmm. Donc il s'attarde beaucoup plus à s'attarder à. Mm-hmm. Eh bien, dans ce cas, comment il dit que tu as encore besoin de délivrance? Hein? Comment il disait, il s'attendait? Mais puisque je lui ai dit que j'avais des problèmes, spirituels comme mmh, ça, mmh. dont ils ont beaucoup accentué. Là-dessus. Mais j'ai arrêté aussi mmh. là-bas à cause de mes nombreuses petites cracasseries, là, que je ne suis pas stable. Mmh, mmh. Bon, revenons donc sur. Donc, tu dis, Jésus a dit que sa maman a une place de choix et qu'elle est là-bas au ciel, oui, corps, âme, esprit. Oui, et il écoute beaucoup. Oui. C'était là où tu étais. Il écoute beaucoup. Mm. Il me dit tiens, par exemple, ma mère m'a confié telle quelque chose. Mm-hmm. Il dit même que, avant d'arriver à ce que je veux vous dire, il me dit ceci, que quand j'ai commencé à être en contact avec le Saint-Esprit. Comme je vous dis là, que j'étais tellement joviale d'entendre la voix, là, j'étais contente. Oui. Chaque fois, j'ai dit, il fallait que je prie. Pour que la voix soit là. Oui, mmh. le jour, la nuit, pour que la... Mmh. Il est content. Il ne se fatiguait pas. Hein. Mmh. À n'importe quelle heure où je me réveille, on se met à prier. Mmh. J'étais... Il dit que c'est ma maman qui vient, ma sainte mère qui vient me dire que... Fais attention avec lui. C'est-à-dire qu'elle est un peu dans... Didier, euphorie, mm-hmm. la voix l'intéresse, elle mm-hmm. ne sait même pas effectivement ce qu'elle est en train de vivre. Mm-hmm. Elle ne mesure pas. Jésus te dit que c'est sa maman qui l'a rendu compte comme ça. Elle ne mesure même pas mm-hmm. ce qu'elle est en train de vivre mm-hmm. effectivement. Mm-hmm. Essaye un peu de... Le tempo, de la temporiser, de la canaliser. Oui, de regarder, oui. Mm-hmm. Donc, il me dit que pour me... Je vais aussi prendre un certain aspect de ma vie aussi. Mm-hmm. Comme j'ai connu beaucoup de problèmes financiers mm-hmm. qui continuent même jusqu'à maintenant, mm-hmm. mais il m'a fait comprendre que c'est les mauvais esprits là, qui bloquent tout ça. Oui, qui me bloquent la vie mm-hmm. et tout. Concernant les esprits de pauvreté là, mm-hmm. j'en avais. Parce que les gens ont tellement puisé. Mm-hmm. En moi, ils ont tellement puisé. Mm-hmm. Parce que ces gens-là, oui, c'est le monde, oui, justement. Mm-hmm. Ces hommes de Dieu là, j'ai envie de dire le monde céleste, les ténèbres. Mmh. Le monde céleste, ils ne disent pas des choses de manière crue. Mmh. Parce que je dirais que le Seigneur Jésus, il est un fort psychologue. Mmh. Même pour moi, comme je vous dis que je n'avais jamais manifesté là, parce que c'est lui qui me fait comprendre que j'ai les mauvais esprits en moi, malgré que le fait qu'il soit là. Mmh. Parce que l'Esprit de Dieu lui ne m'a pas dit. Mmh. Donc, il me dit que pour te faire comprendre que même comme je suis là et que tu vis ce que tu vis là, tu as un côté qui n'est pas bon, quelles des choses qui se sont passées dans ta vie. Il dit qu'il a d'abord regardé la situation parce que j'étais convaincue que la présence de Dieu, je ne connaissais pas que je pouvais être que possédée. Je vous dis que je n'avais jamais manifesté. Jamais manifesté. Donc quand j'ai eu à commencer à voir maintenant un autre aspect de la Vierge Marie aussi, pour me dire que c'est les gens qui me sont proches, qui m'ont atteint comme ça. Elle me dit que, elle m'envoie dans la Bible, elle me dit de lire Joseph dans l'Ancien Testament, l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Ce que ses frères me font comprendre que C'est ton entourage qui Que c'est mon entourage, dire que ce que je vis là comme difficulté, comme problème, ça ne vient pas de loin, ça ne sort pas de loin. Ça c'est la Vierge Marie qui t'a dit ça. Oui, c'est elle qui me fait comprendre ça. Que là, ça maintenant, par rapport à ça, comment tu entends sa voix? Tu entends sa voix, c'est différent des trois autres, de la voix du Père, la voix du Fils, la voix du Saint-Esprit. Oui, c'est tout à fait. Et c'est la voix d'une femme. Oui, même les trois voix sont différentes. Un jour même, comme je vous dis que le Seigneur, avec beaucoup d'humilité, vraiment, ce n'est pas que je me vante ou quoi que ce soit. Il a voulu me faire comprendre la différence aussi entre même les trois personnes de la Sainte Trinité. Il m'a dit, attends, tu vois, je vais te montrer quelque chose. Maintenant, il a commencé. Non, c'est l'Esprit, oui, c'est l'Esprit Saint. J'avais même écrit le texte là. Quand j'aurai l'occasion de récupérer mes choses, comme tu sais. J'ai le texte là, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il vient avec un texte, il me dit voilà, voilà, un truc en parabole que je ne comprends vraiment pas, je peux dire des paroles vraiment, mais j'avais noté quand même. Maintenant, le Seigneur il explique, il dit que tu vois alors la différence, maintenant ça c'est mon esprit qui parle, maintenant moi je vais t'expliquer ce que l'Esprit veut dire par toutes ces choses. Donc il y a beaucoup de choses, homme de Dieu, je ne peux pas vraiment m'étendre. Ce qui me pousse à vous raconter cet aspect de choses là parce que vous insistez sur la Vierge. La Vierge, oui. Donc la Vierge, pour moi, elle a une très grande place dans ma vie. Donc quand même, comme le Seigneur a dit, il m'a dit, s'il y a une personne qui l'écoute, il dit que c'est elle qui est plus proche de nous-mêmes. C'est sa mère là qui est plus proche de nous. Parce que, paraît-il, elle avait demandé cela au Seigneur que pour mieux aider les êtres humains à les amener auprès de mon fils. Auprès de mon fils, je préfère qu'à côté des dons de Saint pour un peu pour appuyer cela. Le Seigneur me dit donc j'étais dans un supermarché là-bas. Vous savez que quand vous avez des problèmes financiers, il est difficile pour vous d'entrer dans un supermarché. Même si, c'est-à-dire que les idées dans la tête, tu vois que tout est cher là-bas, ce n'est pas ton niveau, c'est les blancs, c'est les machins. Le Seigneur me dit que va entrer dans ce... Dans le supermarché. Dans le supermarché. Va entrer là-bas. Et je suis allé en dessous. Il me dit que prends tout ce que tu veux prendre là, je vais payer. Et tu n'as pas 5 francs en poche. Je n'ai pas 5 francs en poche. Il dit que je vais payer tout ce que tu as là. C'était, en fait, c'était, le but, ce n'était pas de me faire acheter, de prendre les habits, les machins, les trucs. C'était de me libérer de ça, pour ne plus, que je ne crois plus que c'est un supermarché. C'est pour les autres. Je ne suis pas concernée. Je ne sais pas. C'est un peu... Quand moi, je regarde ça, c'est un peu les enseignements des pentecôtistes, si je peux dire, parce qu'ils ont une certaine ouverture d'esprit là. Il dit que je dois bien m'habiller, je dois être propre. En fait, c'est ça. C'est pas... Parce que moi, j'ai une discipline. Le Saint-Esprit m'avait dit qu'avant de commencer la prière, tu dois te laver. Tu dois te brosser. Si tu n'as pas la tête brossée, tu attaches un truc. Tu dois être bien. On ne peut pas être en salle. C'est-à-dire une série d'enseignements. D'enseignement là. Maintenant, il me fait donc comprendre que quand je te fais entrer dans le supermarché, tu sais ce que ma sainte mère me dit. C'est comme ça qu'il appelle. Ma sainte mère te dit, me dit. Il dit que Lydie que tu vois là, Lydie préfère aller fouiller l'Afrique. Lydie n'aime pas trop les choses. Effectivement, j'aime beaucoup. Tu n'aimes pas les grosses choses. Oui, j'aime. Mais Tu dis que c'est pas ton niveau. Je me sens à l'aise quand je suis à la friperie, là, je fouille, je trie les choses bien. C'est là où je me sens bien. À l'aise, oui. Oui, il dit que Lydie que tu vois là, regarde bien. C'est ce qu'elle aime. Elle aime aller à la fripe. Elle fouille, écrit ces choses-là. Il dit qu'effectivement, j'ai constaté ça, tu as raison. Et maintenant, qu'est-ce que la Vierge me dit en ce temps? Elle dit que quand le Seigneur te fait cette... Là, cette voix-là parle à l'intérieur aussi. Oui. Elle fait comment elle est audible. Ne me demandez pas trop les déchets. Je n'ai pas envie de trop entrer dans les détails de comment ça se passe. Je ne voudrais pas trop. Oui. Je ne voudrais pas... Alors, elle me dit que comme c'est comme ça que tu vois, le Seigneur, lui, il a tout. Il ne veut rien. Comme on dit vraiment dans la famille de Nazareth, là, comment elle est élevée, elle était vraiment modeste. Et on dit quoi? On dit que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Donc, comme elle a vécu dans la modestie, la Vierge Marie, donc elle m'a montré, elle dit que quand tu vas acheter des habits à la friperie, là, je vais te montrer comment on les lave pour que ça ne s'abîme pas, parce que c'est des vêtements que si tu les laves de manière, ça va facilement s'abîmer. Elle me montre comment on les lave, comment pour que ça ne s'abîme pas du tout. Ça veut dire que j'ai donc compris que chez nous, par exemple, les catholiques, on dit souvent que le Seigneur Jésus était pauvre. Et parfois, même dans la crèche, on nous fait un petit bébé là, un bébé qui vient de naître, mais il est torse nu. En fait, moi, je ne dis pas que là, on m'a dit. Mais quand moi, je regarde souvent ça, je dis que, comment ça? C'est vrai. C'était un bébé qui avait une lourde destinée, mais à peine né, il ne va pas quand même commencer sa croix. Et tant, il faut quand même bien habiller le bébé, la couvrir et tout. Dans l'image, là, moi, je ne suis pas toujours... D'accord avec ça. Et vous voyez comment je ne sais pas, comment je cause aussi un peu avec vous, que j'ai tendance... Le Seigneur m'a dit que même avec moi, quand il y a quelque chose qui cloche, tu peux me dire que mes Seigneurs, dans les écrits, quand je te dis quelque chose qui ne cadre pas avec les écritures, tu attends d'abord pour vérifier si c'est vraiment ma voix. Parce qu'il m'a dit que les voix peuvent, l'ennemi peut s'immiscer. Voilà. Je dois, surtout comme je suis que j'ai eu ces choses-là. Que l'ennemi est. Il dit que je dois faire. Il faut que tu saches discerner quand c'est l'ennemi ou pas. Oui. Mais comment tu vas savoir que c'est l'ennemi puis qu'il parle? Il dit qu'au nom de Jésus-Christ, que je dois toujours prier, qu'au nom, tout même le Père, quand il vient, au nom de Jésus-Christ. Même pour chasser, même l'esprit du Père, il dit au nom de Jésus-Christ. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le socle, la plateforme. C'est lui qui, comme on dit, qui vient réconcilier. Parce que avant le péché, on dit le Seigneur venait souvent causer avec Adam. Ça se passait. Maintenant, c'est le péché qui vient rompre cela. Mais maintenant, c'est le Seigneur qui... Donc, pour moi, comme je dis toujours, que moi, parce que je suis toujours en train de... Je me dis que peut-être, c'est un peu ça qu'il a envie, de, puisque le Seigneur Jésus qui a déjà rétabli. Ça veut dire qu'il essaye déjà aussi, peut-être, de... Qui sait, moi. Donc, c'est un peu... Je te pose une question directe. Oui. Et de Jésus, et du Saint-Esprit, et du Père, t'ont-ils montré un verset dans la Bible pour dire Marie est montée au ciel? Ils ont parlé de ça dans la Bible? Non. Est-ce qu'ils ont dit comment ça a commencé pour qu'on commence à parler de Marie sur la terre comme ça? Non. On n'a pas parlé de cela. Oui, peut-être parce que je n'ai pas aussi posé de questions. Ils ont dit que pourquoi ce n'est que l'Église catholique qui le fait? Non, je ne suis pas non plus entré dans C'est-à-dire que tu es allé par exemple chez Ekané. Tu ne vois pas de statues d'abord, ni des trucs. Peut-être chez les pentecôtistes, tu y es allé, tu as dansé un peu de musique. Et ici, en Simalène, au sanctuaire, il y a beaucoup de choses, moi, homme de Dieu. Je ne peux pas vraiment m'étendre. En ce qui concerne les statues là et tout. C'est là que je dis que je ne peux pas vraiment. Si. Glisse-nous quelques biscuits, c'est bon. Hein? Donne-nous quelques biscuits concernant cela. Je ne pense pas que ça... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que. Et il m'a bien précisé, quand tu vas rencontrer un homme de Dieu, ne tire pas là-bas, ne tire, il ne peut pas se perdre. Tu prends un canevas, mais avec le temps, c'est-à-dire on prend, c'est un peu aussi comme la Bible, si dans la Bible on prend là-bas, d'abord la Bible, c'est que tu poses la question là, ça ouvre encore au moins deux, c'est comme l'arbre de partie, comme on dit en mathématiques, donc vous voyez que je ne peux vraiment pas m'étendre sur... On a eu abordé beaucoup de sujets, je vous ai dit qu'on a abordé la question de l'Église, je vous ai dit, son Église demeure une et saine. Oui, quand il parle les hommes de Dieu passent le temps à se fustiger, mais lui sait Où il amène l'église. Là, quand il parle de l'église, que son église, il parle de quelle, laquelle, mais tout ce qu'on voit là. Il a parlé d'église. Mmh. Il n'a pas dit non, pas mis un nom. Oui, oui. Et mais, quand tu, mais toi, tu dis que tu es catholique. Oui. Mais lui dit que son église, elle, est saine. Suis bien la chose, non? Je t'écoute. Lui, il dit que son église est saine et unique. Là, tu as les hommes de Dieu partout. Chez les pantoufles, encore, c'est très grave. Il y a ici, il y a ici, ici. Suis un peu ma, la logique. Oui. Mais en même temps, il y a l'église catholique. Je te comprends parfaitement. Oui, on en a parlé. Voilà. On en a parlé. Voilà, dis-nous. Mais je ne suis pas obligée de... Peut-être avec le temps. Oui. Peut-être. Donc. Parce qu'il m'a aussi dit une chose. Mm-hmm. Que quand tu causes avec les hommes de Dieu, sois-en sûr que ce que tu es en train de dire, mm-hmm. il va le comprendre. Mm-hmm. Je vais prendre un exemple, par exemple. Je vais prendre un exemple. Mm. Si peut-être, comme on est assis là, nous savons par exemple que, je prends un exemple banal comme ça, Lydie est par exemple impulsive. Mm. Vous n'allez pas, tu ne vas pas, tu, quand tu vas venir, venir vers moi pour me dire telle ou telle chose, tu seras, tu sauras comment cerner et tout, et tout, oui. Donc même quand je vous parle là, j'essaie de prendre comme ça, j'essaie de... Je ne vous dis pas, ça vous marche, je ne vous dis pas de tout. Manière, oui. Mais sinon, qu'on en a abordé vraiment des... Mais ce qui c'est le point qui m'intéresse, c'est le point où tu dis que tu es catholique. Oui, Et lui, il dit qu'il a son église, est sainte et unique. Et unique. Oui. Si ce n'est pas catholique, alors tu es dans des processus, ça le drap avec lui. Parce que son église, il n'y a qu'unique. Et qu'il y en a plusieurs qu'on voit là. Et que c'est unique. On a parlé de dénomination tout à l'heure. On en parlait, on parlait de ça quand que l'essentiel de suivre le modèle qui est Christ. Le Christ n'a jamais créé que non, C'est pour cela que par rapport à ce que tu dis, je ne sais pas ce que vous avez causé, je n'étais pas avec vous, pas vrai. Oui. Mais je suis en train de dire, c'est d'après ce que tu en as dit dans cette révélation, parce que c'est titillant. C'est parce que je vous ai trouvé, quoi que vous en avez parlé pour longtemps, je ne voulais pas tirer encore longtemps parce que je dois travailler aussi avec les gens là-bas. Je suis en train de dire que si il t'a dit que son église est sainte et unique. Unique, ça veut dire que c'est un. Oui. Et que sur la terre, on voit des milliers. On a des problèmes. Même pas tout le monde. Toi-même particulièrement, à qui on a dit que son église est unique, tu as des problèmes. Parce que tu as dit que tu as pris une partie. Tu es catholique. Oui, moi je suis catholique. Alors que lui n'a pas dit que son église est catholique. Je n'ai pas envie. Je vous ai dit que je n'ai pas envie d'entrer dans. Elle est très intelligente. Je n'ai pas envie d'entrer dans. Ou bien encore, dis-nous clairement. Il t'a dit que son église est catholique. Je suis en train de dire que je suis très. Effectivement, j'étais très intelligent. Mais l'ennemi m'a cassé l'intelligence. Ça va aller, d'accord. Parce que. Je crois que demain, tu seras. Oui. L'oubli du passé, machin. Je vous dis qu'aujourd'hui, je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien. Mais comme je pense vraiment qu'il me regarde souvent, il me regarde déjà un peu plus. Parce que, sans vous mentir, parfois, je demande au Seigneur, Seigneur, dis-moi un peu le péché que j'ai fait. Dis-moi. Pourquoi j'ai vu telle situation, Seigneur? Il m'a seulement pris un exemple que regarde-toi un peu. Homme de Dieu, je ne vous ai même pas parlé du côté de ma délivrance, quand ma délivrance a commencé. Je ne peux pas vous ouvrir cette page. Ce que j'ai vécu. Ou bien ce que je vis. Quant à ma délivrance, je lui ai posé la question clairement que Seigneur, est-ce que tu peux ouvrir les yeux de l'homme de Dieu pour voir ce que j'ai? Il dit qu'il ne peut pas ouvrir les yeux de l'homme de Dieu pour voir clairement comme ça. Là. Qu'il ne veut pas que son homme de Dieu soit traumatisé à cause de mes problèmes. De ce que je ne peux, j'ai dit que je peux me mettre à pleurer, je vous dis. Je ne sais pas. Ce que je vis dans ma délivrance, ce qui sort dans mon corps, je ne peux pas vous dire, J'ai déjà pleuré, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait aux hommes, à l'être humain, qu'ai-je fait pour vivre ça? Si je vous dis que sur mon corps, je ne veux rien vous cacher, sur mon visage, les asticots sortent. Ce n'est pas que les rêves, ça sort. Physiquement. Le Seigneur m'avait dit avant que ça ne commence que j'ai les maléfices de mariage sur le visage. Et ça se manifeste aujourd'hui. C'est-à-dire que les asticots sortent de mon visage. Ce qui n'est pas normal. Les asticots, les... comment on appelle ça? Les insectes sur le corps humain. Vous pensez que c'est... vous pensez... est-ce que vous croyez même à ça? C'est pas normal. C'est pas est-ce normal. Que vous croyez à ça? Quand papa, tu dis que je n'étais pas dit telle chose, je n'étais pas... n'est-ce pas si je te disais, tu allais même me fuir. Non, pourquoi? Depuis que je suis ici en Simalé, je ne sais pas si vous remarquez mon corps, c'est noir là. Même les pieds sont comme ça, c'est noir. Je ne vous dis pas. Dans l'appareil génital, ça sort. Le Seigneur a demandé quel mariage tu pouvais aller avec ce corps. Parce que l'esprit du Père a dit que quand je suis descendu vers toi, j'ai amenuisé ma puissance pour que quand je viens, pour qu'il n'y ait pas de mort. Parce que ce qui a été fait dans ta vie n'est pas normal. Et il m'a dit que ne dis jamais que l'homme est méchant. Que je ne dise jamais que l'homme est méchant et que je ne parle jamais d'enfer. Parce que des fois, quand ces esprits-là se manifestent, j'ai envie de dire dans les enfers, le Seigneur Jésus dit non, ne dis pas ça. Que c'est moi qui détiens cette autorité d'envoyer les âmes. Ne dis jamais que je suis envoyé. Parce que quand, comment les insectes peuvent sortir sur quelqu'un? Les insectes, je vous dis. Quand vous voyez mon corps perforé comme ça, ces choses-là, quand ça sort, ça cherche encore à s'infiltrer. Ça sort, ça veut encore entrer. Ça cherche encore à entrer. J'ai donc commencé à... le Seigneur me disait, laisse ta peau là tranquille, laisse, ne touche pas. Même au pied, j'ai ce problème aujourd'hui. Je n'avais pas le corps comme ça. Depuis que je suis ici en Simalène, chaque fois je suis en train de... ça fait le noir. Il dit que maintenant, tu vois, tu ne parviens plus à mettre une jupe. Parce que tu as les cicatrices partout au corps. Tu t'es percé. Je t'ai dit de laisser ça. J'ai dit que ça va sortir. Il a dit que c'est vrai que je suis Dieu. Ces choses-là, tu seras délivré. Comme je vous dis, que des fois j'ai le moral très bas. Très bas. Parfois c'est comme des amusements parfois. Quand je vous dis qu'il est venu comme un ami, il dit qu'il préfère venir comme ça. Pour que pour que ça se passe de manière très pacifique. Que moi ça ne me perturbe pas beaucoup. Je vous ai dit que pour qu'il me dise quelque chose, c'est très difficile. Quand je vous dis que pour la Vierge, pour me faire comprendre que voilà telle chose, elle dit que va lire l'histoire de Joseph. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas te dire que voilà. Tu vas lire telle chose. En lisant, tu comprends qu'elle veut te dire. Oui, tu comprends. Chose. Parfois même, je ris. Parfois même. Je vous dis que sur le visage des asticots, ce n'est pas que je rêve souvent, que j'enlève. Tout à l'heure, oui, j'enlève, j'ai un petit cure-dent là. Les gens, quand ils me voient là-bas, toujours en train de... je ne les ai même jamais dit ça. Même au prêtre, quand je cause, je ne lui ai jamais dit ça. Parce que c'est des choses qu'il me dit que c'est des... mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que, bon, ils m'ont aussi un peu appris ça. Il est très libéral. Même avec ma vie sexuelle, on en a parlé. Pourquoi je suis ci, pourquoi je suis ça, pourquoi. On en a vraiment évoqué, parlé de long à large, de... je ne sais pas. Mon corps, quand les gens ils se disent que des choses, que j'ai une maladie, quelle maladie? C'est des choses qui sortent. Et ça cherche encore à s'infiltrer. Quand je vois comme ça, j'essaie de... et ça fait des sur ma peau. Sur ma peau. Donc, c'est un peu comme ça. Je continue dans les prières et tout. J'ai trop de difficultés. Des difficultés même à prier. Des fois, je ne sais pas, à jeûner même. Parce que ça ne va pas dans ma dans tête. J'ai dit alors au Seigneur. En tout cas, tu as la présence de tes frères, c'est des hommes de Dieu. C'est que, comme je vous ai trouvé ici en train de vous entretenir, ça m'a plu. Parce que je sais que vous allez vous entretenir chaque fois. Tu n'es plus seul, n'est-ce pas? Je l'espère bien, je l'espère. Vraiment, je vous dis ça. Je ne suis pas toujours très bien. Et il le sait. Il le sait. Quand on ne s'en va pas, quand il a dit que quand je suis en colère, qu'on ne peut pas être en colère. Donc comme je ne suis pas bien depuis la journée comme ça, je ne peux pas. Il a dit que c'est mieux que je me calme d'abord. Après je repars, alors recommencer. Je demande pardon que le cœur est... je ne sais pas. Parce qu'il y a une petite situation là-bas qui m'a mis dans tout. C'est que je... Je dirais que j'ai un peu les nerfs à fleur de peau des fois. C'était avant que je ne t'appelle. Ah. C'était la situation. J'étais dit le matin. Depuis le matin, je n'étais pas bien. Peut-être même ton coup de fil était le bienvenu pour que j'essaie un peu de me détendre. C'était vraiment... Comment ton entourage dit ce que tu vis? Mon entourage, c'est-à-dire mes frères, mes soeurs. Ton entourage proche. Oui, mes frères, mes soeurs, tout ça. Ils m'ont pas cru. Pourquoi? Ils ne disent pas que tu es devenu folle. Ils ont dit ça, que je suis devenue folle. Le Seigneur a dit que, en fait, quand tes gens te voient, tu dis que le Seigneur m'appelle, me parle, par exemple, maintenant, là, le Seigneur me parle. C'est moi qui crie les problèmes de pauvreté. Ils disent comment Dieu te parle et tu es pauvre. Voilà comment tu... Un jour même, comme je ne sais pas. Il dit que Lydie, tu n'as pas d'argent et je n'avais pas d'argent et j'avais un petit souci là. C'est que vraiment quand Lydie n'a pas d'argent, c'est comme s'il blaguait un peu. En fait, c'est quoi? Le Seigneur dit que, c'est-à-dire que, il dit que ma vie a été tellement. Il dit souvent que je sais pas. Comment je peux exprimer cela. Bon, en ce qui concerne mes frères et soeurs, par exemple, eux, ils ne croient pas. Mais quand je leur dis quelque chose, que bon, parce que le Seigneur me dit, même s'ils ne te croient pas, quand il y a possibilité de leur dire quelque chose, de leur corriger, que tu vois quelque chose qui n'est pas très correct avec eux, n'hésite pas souvent de leur dire. Tu dis, même si ils ne croient pas. Oui, il dit qu'ils ne croient pas beaucoup plus parce que je suis encore dans les difficultés. Que si c'était là que le Seigneur me parle, il dit une voiture, il dit ah oui, c'est vraiment. Donc comme ils me connaissent que je suis, j'ai envie de dire un peu la personne qui n'a pratiquement pas réussi, je peux dire, parce que j'ai ma petite soeur qui est mariée. Les enfants. Et toi, tout ce qui tourne autour de toi, c'est ça semble être. Oui, c'est les problèmes. Donc, ils ont un peu du mal que. Mais celle-ci, elle dit que c'est le. Mais il dit aussi qu'eux-mêmes, leurs problèmes ne sont pas très différents des miens. Parce qu'il m'explique même que, en fait, même, je ne suis même plus tellement possédée en tant que telle. Qu'en fait, que, il me dit qu'il utilise parfois mon corps. Pour délivrer ces gens-là, les gens de ma famille. Il dit que j'ai même beaucoup de problèmes comme ça parce qu'il les touche aussi. Parce que eux-mêmes, il dit que eux-mêmes ils sont dans des problèmes de sorcellerie, que eux-mêmes ils ne peuvent même pas mesurer. Les répercussions sont sur toi. Oui, et les répercussions se font sur moi. Il dit que c'est pour ça que parfois je ressens que la vie est pesante, c'est difficile pour moi, comme ça et tout, mais il dit que ça va aller. Ça va aller, l'homme est impatient. Je suis, sans vous mentir, j'ai envie de dire que moi je suis fatiguée de ma situation. Je lui disais encore ça, que Seigneur, comment je peux alors... Parce que là, je peux tomber, je peux... Quand la vie m'oppresse comme ça, j'ai des problèmes, je ne vois pas la solution. C'est vrai, il me rassure. J'ai même l'impression qu'à un moment, la confiance en va parce que je dis que Seigneur, quand alors, quand est-ce que moi aussi j'aurai un peu une certaine stabilité? Je te pose une question. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas pensé que c'est Satan qui en a été trompé comme ça et non pas Dieu? Que tout ce que tu as raconté. Des fois, j'ai souvent ces pensées-là, mais. À un autre moment, je dis que non, c'est pas lui. Parce que je ne pense pas que le diable peut lire mes pensées. C'est-à-dire que comme je vous dis, c'est un peu de vous expliquer tout à l'heure, là, que voilà. Moi, je ne parle même pas. C'est là que je suis en train de penser. Même des fois, le matin, quand peut-être je suis en train de manger comme ça, parce qu'il m'avait aussi dit que comme ces esprits-là, c'est aussi des esprits, c'est les gens de mon village. Les gens, il m'a même dit que les villages entiers me possédaient. Mais il ne l'a pas dit comme ça. Il a dit que les villages le possèdent. Les villageois, les gens qui ne connaissent rien, les abrutis. Il m'a même dit que quand je mange, que je ne mange pas souvent avec les mains. Que je mange souvent comme je suis en train de manger là. que c'est aussi une sorte de délivrance, puisque c'est les villageois, ces gens du village qui nous, que ça permet aussi de chasser la pensée, que quand tu dis que tu as une pensée et que l'esprit là lit la pensée, et si c'est cet esprit, et si c'est un esprit qui a mis une pensée en toi et que tu penses, c'est toi qui penses, et que l'autre esprit aussi, comme il se communique, il en parle, et toi tu penses que c'est toi qui as pensé l'autre pensée pour qu'il puisse lire l'autre pensée. Qu'est-ce que tu en dis? Non, je ne comprends pas. Ok, regarde par exemple. Oui. Pendant que tu me regardes, tu penses par exemple qu'il faut prendre cette bouteille. Oui. Ça, c'est à l'intérieur. Oui. Je dis, si tu crois que c'est toi qui as pensé, et si ça, cette pensée t'a été suggérée, et que tu penses que c'est toi, parce que comme le philosophe dit, je comprends pense, un peu voilà, ce que vous que vous je pense, donc que... je suis. Donc quand quelqu'un pense, parce que les pensées que tu penses ne sont pas toujours de toi. Oui, comme on dit souvent qu'on a d'abord nos propres pensées, le voilà. Monde peut t'induire les pensées. Tu peux rester en pensant que non, est-ce que ça ne peut pas être ceci, alors que c'est un esprit qui a été donné cette pensée. Il m'explique même parfois que parfois, il est souvent là, que moi-même je ne me rends pas compte qu'il est là. Parce que je vais un peu vous raconter aussi, j'ai eu un peu à causer avec un gars. Et au sanctuaire là, il m'a dit, dis-lui un peu ce que tu vis. Je lui ai raconté. Maintenant, il demande au gars là, qu'est-ce que tu remarques en Lydie? Dis un peu ce que tu penses de Lydie quand tu la vois. Il dit que je remarque qu'elle est calme et qu'elle a souvent des attitudes comme quelqu'un qui vit dans une autre société. Dans une autre planète. Oui, pas dans une autre planète. Ah, okay. Quelqu'un qui est très bien éduqué. Que parfois il me voit, je suis assise, que je suis comme ça. Je ne pouvais que rire parce que je ne me rends pas compte que je fais souvent ça. Il dit que j'ai souvent des attitudes comme quelqu'un. Il dit qu'effectivement, quand tu la vois comme ça, ça veut dire que ma divine présence est là. Et il a précisé au gars là que elle est souvent comme ça, elle-même n'est pas consciente que je suis là. Il dit même que parfois je vous parle à travers elle sans que vous ne sachiez que. Et elle-même elle croit que c'est elle qui est en train de parler alors qu'il n'en est rien. Que donc, c'est donc moi. On parle au travers de toi. On parle au travers de toi. Que je crois que c'est peut-être moi. Il a dit au gars là qu'il faut souvent l'écouter parce que des fois ce n'est vraiment pas ses propres pensées à elle, c'est que je suis. Bon, dans ce contexte, comment donc savoir quand toi tu penses alors? Hein? Comment toi-même tu dois savoir quand c'est toi qui as pensé? Pas justement, je crois souvent que c'est moi. Je vous ai un peu expliqué ça. Justement, j'ai compris. Oui, je vous ai expliqué ça, non? Que des fois, il m'arrive souvent que certaines nuits-là, par exemple, un thème de la Bible, comme par exemple la foi, si je ne note pas, parfois je vais oublier. C'est souvent mieux que quand ça vient, je note facilement. Comme ça, quand même je vais revenir lire dessus, ça me revient facilement quand j'écris. Mais quand je n'ai pas noté, c'est des pensées, c'est-à-dire que c'est des vérités, c'est comme si c'est des vérités qui me sont données. Mais comme je vous dis que j'ai des problèmes dans la tête là, le matin, ça s'est dissipé. Oui, ça s'est dissipé. Mais quand j'ai quand même eu la peine de noter. Là, tu peux voir et reconstituer. Mais quand c'est que je n'ai pas noté. Mais je pense quand même que le manuscrit que j'ai chez moi, j'ai suffisamment écrit des choses que, bon, si il y a vraiment, des détails. Oui. Et tu penses que tu vas donner ce manuscrit-là au prêtre, comme tu as dit? Ce n'est pas... Non, si je lui donne, je vais... Comme maintenant, là, j'ai écrit, non. Je lui ai donné même déjà. Quand il m'a dit d'écrire, ce qui me venait en tête, j'écrivais. Je lui ai donné. Il a dit qu'on va, comme c'est quelqu'un qui n'est pas très stable, il a dit qu'on va en parler. Qu'on va en parler, voilà. Parce que je lui ai... Le sanctuaire des volets, je ne sais pas dans quel côté ça se trouve, je ne sais pas comment c'est construit ni quoi ça. Y a-t-il une statuette ou des statuettes qu'on a élevées là-bas ou dans lesquelles les gens prient? Oui, il y a même des statuettes, il y a des tableaux représentant soit la Vierge, soit Jésus, soit les gens vont se recueillir là-bas et tu y vas aussi? Oui. J'y vais parce que le Seigneur m'a donné, on en a parlé, voilà. Et je vous ai dit que je ne voulais pas prendre là-bas. Bon, c'est vrai, comme tu ne voulais pas parler, non, je ne pose pas la question, parce que je voulais poser la question là-dessus, parce que concernant quelque chose, quand on a dit, quoi que, je ne sais pas en quelle année que la Vierge a apparu, c'était Jean Zoua qui était là. Et il y avait une discussion entre l'Église catholique si oui, il fallait qu'on confirme ou non. Et juste là, derrière, oui, la façon, ce n'est la même pas encore authentifié. La façon officielle de l'Église catholique n'a pas encore authentifié cela. Oui, jusqu'à bon, maintenant. Qui a nommé les statuts là-bas avec les trucs? Qui a oui, nommé? Non, dans les diocèses. Oui, dans les diocèses. On a accepté. Ils sont, oui, oui, ils sont des mêmes. Mais de façon officielle, on n'a oui, pas encore. Oui, pour que ce soit reconnu, disons, qu'est-ce que la Vierge dans le monde entier. Qu'est-ce que la Vierge pense de ça? La Vierge, quoi, la Vierge ne dit pas au pape son représentant que c'est lui. C'est justement moi la question que je me pose, que pourquoi elle est là quand je ne sais pas. Je ne lui ai jamais posé la question que voilà. Pourquoi. En tout cas, la Vierge a ses secrets, donc on ne veut même pas savoir. Hein? Il dit que ce sont ses secrets intimes. Non, si j'ai dit que je ne lui ai pas posé la question. Okay. Mais les gens font les prières à propos, mais moi je ne sais. Les prêtres catholiques, eux-mêmes, ils vont. Les prêtres. Oui, les prêtres sont déjà là. Les prêtres sont ici. Mais avant, ce n'était pas ça. Ok. Donc, au fur et à mesure, petit à petit, ils sont allés s'ouvrir. Puisque même au Cameroun, oui. L'église, disons, l'église du Cameroun n'avait pas encore authentifié, si on peut dire. Donc, à ce moment-là, il n'y avait personne là. Donc, ça fait peut-être une dizaine d'années que. Le but d'aller là-bas, c'est pour faire quoi, au juste? Le but d'aller dans ces centres-là, c'est pour quoi? Où il se passe pour prier, se recueillir. On a construit une maison là-bas, un lieu pour des prières, mais c'est à l'air libre. C'est à l'air libre. Ce n'est pas. Avec des bancs. Mais il y a, oui, il y a des bancs. Il y a des bancs. Ce n'est vraiment pas. Non, mais il y a quelque chose de construit quand même. Oui, il y a quelque chose de construit. Il y a un bâtiment qui. Oui. Avec. Les chapelles de. Oui, avec. Il y a toute une chapelle en fait. Et là, on parle là-bas pour se recueillir auprès de la Vierge. La Sainte Vierge pour qu'elle puisse intercéder, non? Oui. À quoi c'est la grande piscine qui est un peu en face là? Il y a une piscine là-bas. Oui, la piscine c'est pour les malades. Donc il y a toute une histoire là-dedans. Donc on en vend même les brochures et tout et tout. Moi j'étais pas là quand la Vierge a parlé, mais on a dit que les gens, qu'on creuse. Il paraît même que c'était même d'abord un truc beau. Hein, j'ai vu dans ces images sur la télévision. Oui, il y a aussi la source, la source de l'eau potable, où elle est vraiment comme le tangui. On dit toujours que c'est elle qui a demandé qu'on creuse. On dit que c'était Rukaya, elle a dit que creuser, que les gens aillent souvent boire là. Et les gens qui disent, il paraît que les scientifiques sont déjà arrivés là, pour dire que comment les gens peuvent se baigner dans une eau aussi sale. Il paraît qu'on est allé analyser cette eau-là, on a vu qu'elle a la même composition que celle qui est potable. Tu as déjà vu celle qui est potable, non? Elle est comme tangui. On dit que sale et potable et clair, limpide là. On dit que pas même composition. On dit qu'aucun danger là-dedans. C'est seulement que, bon, on dit que les femmes n'en ont pas là-bas avec les masques. Au sortir de notre conversation maintenant, je retiens que tu es catholique. Oui. Et le Christ dit que son église est une et saine. Oui. Et que c'est lui qui dirige son église. Bon, moi, je n'ai pas envie d'entrer dans. Je vous ai dit que j'ai posé la question à propos de lui. Voilà. Mais tu as déjà posé la question. Mais l'essentiel, il dit que l'essentiel, c'est que. Il regarde que le modèle, c'est le Christ. Que c'est là la base. Mais comme on est les êtres humains là-haut, c'est mon. Est-ce que le Christ qui a déplacé ou bien pas placé Marie au centre de l'adoration comme ça, ou bien ce sont les êtres humains qui l'ont fait? Au centre de l'adoration. C'est-à-dire que tu as dit qu'on retient que c'est Christ qui est le centre. Oui. Dans son église. Bon, maintenant, il y a toute une grande partie qui ne veut même pas entendre parler de Marie. Il n'y en a qu'une seule. Et ses acolytes, les églises coptes, les différentes églises des sept conciles, des trois conciles arméniens qui touchent sur Marie. Donc, en clair, l'église catholique. Les autres, sinon pas Marie, ceux-ci ont Marie. Qui des deux groupes a tort? Puisque Christ doit être le centre. Ceux-ci disent que c'est Christ ou rien. Cet autre-ci disent Christ, Marie aussi. Et toi, tu viens de confirmer que c'est Christ selon le centre. Oui, je vous ai dit que j'ai parlé, j'ai posé la question. Et tu as posé la question à la Vierge ou bien au Christ? Tu as posé la question au Christ ou bien à la Vierge Marie? Au Christ. Et il a dit quoi? Hein? Que sa mère aussi à côté. Je garde avant ça pour moi. Bonne soirée. Oui. Bonne soirée. Demain, tu seras là, n'est-ce pas? Tu seras là aussi? Je l'espère. Si le Seigneur permet. J'espère que je serai là. Si je vais. Alors, je vous laisse continuer, d'accord? Parce que moi, je vais travailler avec les gens là-bas. Mais qu'est-ce qui empêche que tu sois là-dedans? Hein? Quand tu dis que tu l'espères, qu'est-ce qui peut empêcher? Les moyens? Toi, tu es en train de toujours me poser les questions. Tu es toujours en train de me dire. Au lieu de continuer, moi, il continue, moi, n'est-ce pas? Tu vois qu'il ne pose pas directement. Il tourne un peu, n'est-ce pas? Bon appétit. Oui, merci.